Le premier des enseignements que j'ai écrit, c'était le triste constat du fait que dans le monde chrétien, il fallait qu'on constate que quelque chose ne va pas. Et quand les choses ne vont pas, qu'est-ce qu'on fait? Les gens trouvent des substituts. Et ces substituts-là sont appelés en notre terme la tradition et la religion. C'est-à-dire qu'on trouve une certaine routine pour combler le vide, le manque qu'il y en a. Quel est ce manque et quel est ce constat que nous avons fait? Je crois qu'il va faire un bref. Souvenez-vous, la dernière fois, les 6 heures de temps qu'on a passé, on a fait seulement l'introduction. On n'a même pas touché, on n'a pas touché le corps de ce qu'on devait développer. Donc je vais faire vraiment un bref sur l'introduction qu'on a vue le vendredi dernier. Vous voyez, 6 heures de temps ne nous a pas permis d'entrer dans un seul sujet. 6 heures de temps. On a pris 6 heures de temps seulement dans l'introduction sur ce que le matin est arrivé. Donc je vais aller brièvement dans ces 6 heures de temps qu'on a fait la dernière fois. On va aller point par point sur tout ce qu'on a vu et puis on va entamer à partir de ce soir. Là on s'était arrêté ici. Souvenez-vous de là où on s'était arrêté. J'espère bien que vous savez là où on s'était arrêté. Donc je vais aller du début. On va s'arrêter là où on s'est arrêté. On va prendre à partir de là pour cette soirée-ci. D'accord, bien-aimé? La dernière fois, nous avons constaté, en lisant ces documents, particulièrement par rapport au réveil, et en donnant une définition au réveil, tel que c'est écrit là, nous avons vu premièrement que l'Église a des problèmes devant le Seigneur. L'Église a des problèmes devant le Seigneur. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un de portable, veuillez éteindre, que ça ne crée pas de problème pendant qu'on va... C'est l'une des clauses qu'on avait eues là, qu'on n'a pas même pas le portable, n'est-ce pas? Parce qu'une fois qu'on commence à parler, que ça dérange. Donc, l'Église a des problèmes. Quels sont ces problèmes? En lisant certains versets de la Bible, il devient clair que l'Église a des problèmes. Si vous regardez la manifestation du royaume de Dieu, la Bible est claire, le royaume de Dieu consiste pas non seulement en parole, mais en puissance. Si vous regardez chacune des fois que Jésus a marché sur cette terre-ci et envoie même ses disciples ont prêché le royaume avec puissance. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit être accompagnée de la manifestation, de la démonstration de l'esprit de puissance. Et on a donc vu que si ça ne se passe pas ainsi, il y a un problème. Un prédicateur m'a posé la question, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles, son ministère n'avait pas un ministère de miracles et de prodiges parce qu'il y avait un monsieur qui devait se présenter. Il fallait qu'il prépare tout simplement le cœur et que le monsieur du miracle vienne manifester. Si Jésus ne devait pas venir, c'est Jean-Baptiste qui devait faire le même miracle. C'est là, n'est-ce pas? Parce que, en fait, le plus grand des miracles qu'il a fait, c'est qu'il restait sur le Jourdain, parler à haute voix, les gens viennent vers lui. Ça, c'est encore un autre miracle. Pour que les gens se préparent, le cœur soit amoindri, quoi? À presser jusqu'à ce que les jus du péché sortent pour pouvoir reconnaître le Messie. C'est un grand miracle, ça. Même si ça ne se voit pas physiquement. Mais je dis, ces miracles physiques, les prodiges, les miracles, les guérisons et autres là, ça ne s'est pas passé dans son ministère parce qu'il y avait celui qui devait faire. Vous savez, Ésaïe 35 là. Si vous lisez Ésaïe 35, quand il va venir, vous sauterez comme les biches des étables. Les aveugles, les boiteux vont marcher. Il fallait que ça s'accomplisse sur lui. Sinon, il devait confondre avec Jean-Baptiste. C'est ainsi, n'est-ce pas? C'est pour ça que le Seigneur Dieu a placé le ministère de Jean-Baptiste à côté de son ministère. Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin. Il devait préparer tout simplement le chemin et celui qui devait venir marcher sur ce chemin-là vient marcher. Amen. Donc, alors maintenant, ça veut dire que le cas de Jean-Baptiste étant résolu, il faut qu'on voit le cas de l'Église. Ce qui est adressé à l'Église est différent de toute autre chose dans la Bible. L'Église doit marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Point final. Si l'Église ne marche pas dans la puissance du Saint-Esprit, nous avons constaté que le problème n'est pas du côté de Dieu. Parce qu'il y a des promesses dans la Bible dont nous avons vu. L'une des promesses, nous citons ça chaque fois, c'est dans le livre de Luc au chapitre 10, le verset 19 qu'on connaît. Voici, je vous ai. C'est clair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et nous sommes clairs là qu'il parle à ses disciples. Et nous sommes clairs également qu'il y a ses disciples aujourd'hui. Alors, le constat est clair. Les chrétiens ont encore l'esprit des morts. Les chrétiens crient, vont encore chez le marabout. Les chrétiens vont chercher de l'aide en Égypte. Les chrétiens vont encore même dans les sectes pour se protéger. Les chrétiens ont encore des gris-gris sur eux pour se protéger, même quand ils voyagent. À moins qu'on ne voit qu'il n'y a pas de problème. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est pouvoir transmettre, c'est pouvoir conscience sous certaines conditions. La fidélité, la sanctification, la sainteté, l'amour pour le Seigneur. C'est la condition là-bas. Ça ne travaille pas avec un cœur orgueilleux. Ça ne travaille pas dans le péché. On va voir tout cela ce soir au travers des Écritures. Donc voilà l'une des promesses. L'autre promesse, dans Marc au chapitre 16, si vous lisez le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce que la Bible est claire. Papa bien-aimé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La question simple qu'on pourrait se poser, c'est, avons-nous cru en lui? C'est évident, oui. Pas vrai? Dans ce cas, où sont les miracles? Alors, s'il n'y a pas les miracles, les deux sont liés. Il n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront certaines personnes qui ont cru. Ça veut dire d'une façon ou d'une autre, Dieu a tellement de manifestations que quelqu'un ne peut pas dire que non, je ne suis pas appelé pour le don de guérison. On n'a pas dit que les miracles sont les guérisons. Il y aura des miracles. Autrement dit, une vie des relations avec le Seigneur Dieu des armées, avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie de miracles. Dans notre vie quotidienne, on va voir le surnaturel. Parce qu'en fait, le chrétien est transporté d'un royaume à un autre, bien qu'étant physiquement sur cette terre-ci. Il a dit, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi. C'est pourquoi je dispose du royaume à votre faveur. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, comme je ne suis pas du monde, je vous ai choisi du monde, le monde vous hait à cause de cela. Il dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes à l'intérieur du monde. Si vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes à l'intérieur du monde, vous êtes quelque part. Alors nous sommes quelque part hors de ce royaume. Autrement dit, les principes du règne d'ici-bas ne fonctionnent pas sur nous. Nous allons voir vraiment qu'on a inversé le pôle de ce que Jésus a dit. Et nous avons commencé à fonctionner contrairement à ce qu'il a dit. C'est ça qui a fait que l'église aille mal. On n'a pas le temps d'entrer sur l'histoire de l'église. Si vous avez besoin de rester à l'église, vous suivez par rapport à la conférence. Mais je vais regarder le fond du problème ce soir au travers des Écritures, tout simplement. D'accord, bien-aimé? C'est pour ça qu'il fait ce bref résumé-là. Donc, cette promesse-là subsiste. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alors, à ces seuls versets, on pourrait prêcher toute cette soirée. Particulièrement par rapport aux prédicateurs des États-Unis qui prennent les serpents. Beaucoup sont morts comme ça, qui sont allés porter le serpent. Parce qu'ils ont dit que, Dieu a dit que si on manipule le serpent, on ne sera pas mordu. Ça, c'est tenter Dieu. Cela, c'est tenter Dieu. Dieu n'a pas dit qu'on passe chercher le serpent pour les attraper. Nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 28, quand l'apôtre Paul a ramassé du bois à la vipère là-bas qu'il a mordu. On a attendu qu'il meure, il n'est pas mort. L'apôtre Paul n'est pas allé chercher. C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne, c'est une vie de surnaturel. Là où les gens attendaient, on dit que oh, ce type-ci, même la justice humaine n'a pas pu l'épargner. Dieu lui-même a esquivé l'eau. La justice humaine l'a récupéré. On n'a pas pu le tuer, mais c'est Dieu qui le tue maintenant. Le serpent l'a maudit. Chacun guettait ce moment, vous savez, c'est le citron. Qu'attendons. La Bible déclare, espérant pour voir qu'il va tomber enflé. On n'a pas entendu. La Bible déclare clairement qu'ils ont changé de vent, que c'était un. Nous dit voilà, la vie c'est naturelle. Que quel est celui-ci que dont la vipère mort, on attend qu'il meure, il ne meurt pas. Juste que le sommet a pris les gens là-bas. On attend qu'il meure, il ne meurt pas. Parce que ce n'est pas lui qui a cherché. Ce prédicateur-là, j'ai des vidéos, je peux vous les montrer si vous voulez. Chaque fois, demandez seulement. Il a plus de serpent formé. Il danse avec le serpent. Ça fait pam. Il est assis là-bas, croyant que Dieu devait guérir. Ils ont prié pendant 36 heures après les morts. Et pendant qu'il est mort, on a dit que c'est parce qu'il n'est pas la foi. D'autres ont continué dans le même exercice. C'est pour dire quoi, bien-aimé? C'est pour dire que, okay, on va voir tout cela ce soir, comment il faut revenir à la parole par rapport à la repentance et pour se préparer au réveil. Les promesses sont faites à l'église. Et l'une des choses que nous devons mettre de côté, c'est que lorsqu'on parle de l'église, il faut que les gens ne comprennent pas qu'il y a c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes, c'est pour les gens, ce sont eux. Jésus a dit, vous. Voici les miens qui ont commencé, ceux qui auront cru. Le pasteur seul n'est pas cru. Ce n'est pas lui seul qui a cru. Tout le monde, ceux qui ont fait alliance avec Jésus, ont cru en Jésus. Alors maintenant, s'ils ont cru, qui reste dans la bonne position, Dieu communique la grâce selon ce qu'il veut dans chaque corps. Dans chaque membre du corps. Amen. Autre point, passage que nous avons lu la dernière fois, c'était Jean au chapitre 15, quoi? Chapitre 14, le verset 12. Et c'est cité là-bas. Il dit, en vérité, je vous le dis. Remarquez bien, et je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grandes. C'est-à-dire, en langage de Dieu, en fera davantage, pas de plus grandes, parce qu'on pourra faire plus grandes œuvres que Dieu. Je veux dire en langage de Dieu, pas ce qui est écrit. En langage de Dieu, il veut dire fera de plus grandes, il veut dire fera davantage. C'est-à-dire, par exemple, s'il a resté 2, moi je peux rester 8. Il a donné seulement les autres là comme prémisse pour vous voir ce qu'un homme peut faire, ce que Dieu peut faire au travers des hommes. Alors, moi, la question encore qui se lève. Il dit, je vous le dis, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, le problème est toujours, chaque fois qu'il y aura le miracle, il y aura un problème de croyance. Celui qui croit en moi fera. Nous sommes posés des questions. Si on pose des questions au milieu de cette assemblée ou à toute autre personne qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, on dit, est-ce que tu crois en Jésus? La réponse sera manifestement oui. Nous sommes d'accord, bien-aimés? Si nous déposons la question à chacune des personnes, même ceux qui ont eu la religion pour nature depuis l'enfance, ou bien ceux qui sont nés, disent-ils, dans la chrétienté. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Même les pasteurs eux-mêmes. Tu leur poses la question, as-tu cru en Jésus-Christ? Il va même te poser la question, mais quelle question? Comment tu peux... Il va me dire, tu poses la réponse. C'est pas ça, mes bien-aimés? Ça dit, c'est évident que tout le monde dit croire à Jésus. Mais Jésus-Christ met une marque fondamentale derrière la croyance. Il dit, celui qui croira, fera. Si tu effaces fera, il faut effacer croire. Donc, ça met en hors d'état de nuit toutes ces croyances qui sont sorties des États-Unis et autres gabégies sataniques qui disaient que le temps des miracles est passé. Si le temps des miracles est passé, le temps des croyances est terminé. Si le temps des miracles est passé, le temps des croyances est passé. Alors, si on ne peut pas faire des miracles, on ne peut plus croire en Dieu. Parce que d'abord, croire même, c'est un miracle. Il dit, si on ne peut pas, si quelqu'un est malade, on ne peut plus dire au nom de Jésus que lève-toi et marche. Si ce n'est plus de notre peau, c'est que ce nom de Jésus ne fonctionne plus. Alors, tu ne peux plus faire alliance avec lui. Alors, son nom était limité pour une époque. C'est vrai, ça, frère? Non. Non. Maintenant, nous sommes en train de profonder pour voir ce qui est arrivé pour que les gens en tirent ces conclusions. Parce qu'il y a eu des moments dans les angles des églises où Dieu ne se manifestait plus dans la puissance du Saint-Esprit parce qu'on avait tellement mélangé la parole de Dieu à la tradition. Et nous sommes arrivés au point où on a constaté que le Saint-Esprit ne peut pas confirmer ce que lui n'a pas ordonné. Et comme ça, cela a duré, les gens ont tiré la conclusion pour dire, en fait, on voit le miracle depuis ces apôtres-là jusqu'à ce niveau-ci. Depuis là, on ne voyait plus le miracle. Ils ont tiré la conclusion que le miracle s'était passé. Au lieu d'aller à la source, on regardait, mais pourquoi c'est arrivé jusqu'à cette époque-ci? Parce que ceux-ci marchaient dans la direction du Saint-Esprit, dans la pureté de la parole. Ceux-ci avaient mélangé. C'est pour ça que le Saint-Esprit s'est retiré. Alors Dieu n'a pas changé du tout. Alléluia. Alors, on pourrait dire la même chose par rapport aux Égyptiens. Dieu a sorti les Juifs de l'Égypte. Il les a nourris de la manne. Arrivés au pays, là, il les a laissés quelque part. Ils ont erré, ils sont morts. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Est-ce son alliance a changé? Non. Si il revient à Dieu, son alliance continue à fonctionner. Alors, c'est là où on est en train d'aller, frère. C'est là où on est en train d'aller, sœur. Alors, jamais. Jamais. Si quelqu'un vous raconte ces genres de conneries, que le temps des miracles est passé, que les derniers apôtres sont morts avec le miracle, il faut lui dire que le Saint-Esprit ne meurt pas. Il faut lui dire que le Saint-Esprit ne meurt pas. Il dit, voici les miracles ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront ces disciples ci devant moi. L'apôtre Pierre, en donnant cet solennel appel de Actes chapitre 2, verset 38, lorsqu'on lui a posé la question, homme frère, que ferons-nous? Il n'a pas répondu, le Saint-Esprit au travers de lui, n'a pas répondu seulement à la seule question de ceux qui posaient devant lui. Il a dit, repentez-vous premièrement et que chacun de vous, chaque individu soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Celui-ci nous sommes allés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il ne s'arrête pas là. Il dit car la promesse est pour vous. Il veut dire vous qui me posez la question. Pour vos enfants, donc ceux qui seront après vous. Il dit maintenant, et c'est là le point. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et si le Saint-Esprit fait une œuvre dans la première fois, c'est la même œuvre qu'il fera jusqu'à la fin. Il ne peut pas changer, c'est son principe. Et également, ça, on va voir ce soir au travers de la parole. Donc, s'il a dit la promesse est pour vous, ça veut dire que si vous baptisez là, vous qui êtes devant moi, vous baptisez, vous repentez, vous baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et que cette même promesse s'étend de l'âge jusqu'au dernier que Dieu va appeler. L'autre question, on peut s'arrêter là maintenant en disant, si quelqu'un dit, le temps des miracles est passé, suite au constat qu'il a regardé dans l'histoire de l'Église et dans la Bible, il dit, le temps des miracles est passé. Ça veut dire que le temps du Saint-Esprit est passé alors, frère, c'est ce qu'il veut dire. Donc, autrement dit, on ne peut plus recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça qui a fait découler beaucoup de fausses doctrines telles que quand tu confesses Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. C'est ça qui a amené ça. C'est ça qui a amené. Alors, puisqu'on n'a pas cru au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fait la miracle, on dit que non, le Saint-Esprit est content de le faire que comme tu as confessé Jésus-Christ, que tu es baptisé du Saint-Esprit. Alors, tu ne vois pas le fruit de la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne te poses pas des questions. Quel mensonge tu dis, frère? Et l'Église est restée dans cette ténèbre-là pendant des années. Et souvenez-vous, quel que soit le temps que la pluie peut mettre, elle n'est pas tombée. Les gens crieront. Et à un moment donné, quand le ciel va s'ouvrir, ça va réjouir les gens. La terre peut se fendiller par suite des sécheresses. Mais le ciel va donner de la pluie. Pendant 3 ans et demi, quand la pluie n'est pas tombée, les gens soupiraient et cherchaient des solutions par eux-mêmes. Cherchez les solutions. Au lieu de rentrer vers le prophète disant, remarquez que même quand le prophète vient pour que la pluie tombe, regardez bien, bien aimé ça, c'est le principe du réveil, mais c'est le principe de cette pluie-là que nous cherchons. Quand Élie est venu lancer un roi chapitre 17, il aura dit, jusqu'à quand clocherez-vous d'un côté à l'autre? Si Baal est Dieu, allez vers lui. Donc, autrement dit, il dit, si Baal est Dieu, allez vers lui. Si c'est l'Éternel, allez vers lui. C'est-à-dire que le problème de la pluie qui ne vient pas, qui est un symbole du Saint-Esprit, c'est que vous avez fait le mélange. Vous devez prendre position. C'est merveilleux, frère. Vous devez prendre position. Vous devez choisir soit le monde, soit Dieu totalement. Il n'y a pas un peu de Dieu, un peu du monde. Un peu de Dieu, un peu de monde, c'est le mélange, c'est la confusion. C'est ce qu'on appelle la Bible, appelle Babylon. Vous ne venez pas dans Babylon. Il a dit, sortez de là. Je vous accueille. C'est pas ça, bien-aimé? Ok. Donc, si l'apôtre Paul qui a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Il n'a pas cité, il a dépassé les limites d'Israël. Au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et pour preuve, lorsqu'il allait chez Corneille, il a regardé que Dieu a donné le Saint-Esprit aussi aux païens pour montrer que c'est sorti hors des frontières juives. Après, il a dit que puisque Dieu leur a confirmé son témoignage en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous, je vais m'opposer au Saint-Esprit. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est pour dire que si nous disons que le Saint-Esprit s'est arrêté à un moment donné, ça veut dire que l'appel s'est arrêté. Et nous voyons très bien que ça veut dire que ça ne sert à rien de lire la Bible, ça ne sert à rien de prêcher. Alors, on est fini. Et Dieu merci, je sais qu'on n'est pas fini. Si vous savez que vous étiez fini, alors la bonne nouvelle, c'est que nous devons retourner à la Pentecôte. Amen. Donc nous sommes là ce soir encore pour voir exactement d'où l'église est tombée. Mais la question maintenant c'est ceci. Peut-être que vous pouvez ne pas sembler comprendre l'ampleur de ce qu'on est en train de faire, mais pour que Dieu fasse n'importe quoi, il commence toujours quelque part. C'est-à-dire qu'il dit ceux qui sont négligents vis-à-vis des choses de faible commencement seront confondus quand les grandes choses viendront. Alors, la question c'est ceci, bien aimé. Depuis des années, depuis des centaines d'années que l'église a été comme ça, pourquoi parlons-nous du réveil aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous fait croire que ça va marcher maintenant? Pourquoi dans les anciens temps, les gens n'ont pas marché? Ou mieux encore, le plus grave de cette histoire. Ceux qui disent presser Jésus-Dieu avec les manifestations de l'Esprit, qui travaillent, c'est le plus grave là maintenant. Ceux qui disent qu'ils prêchent Jésus-Dieu et que l'Esprit se manifeste, lequel se manifeste là-bas? Qui se manifeste? Ce sont des questions qu'il faut qu'on réponde. Alors, répondons à la première question. Si donc, depuis ce temps-là, on prêche Jésus, selon ce qu'on a dit là, et que l'Esprit de Dieu ne conduit pas l'Église. Mais voici la preuve que le Saint-Esprit ne conduit pas la majorité de ceux qui se disent chrétiens. La preuve, c'est la division des doctrines. La preuve. Voilà la preuve. Et par rapport à cela, la nuit de prière dernière, vendredi dernier, nous avons vu que les circonstances à la venue qui avaient conditionné la venue, la première venue du Seigneur sera la même circonstance par rapport à sa seconde venue. Et nous sommes allés dans les Écritures, nous avons vu que plusieurs années s'étaient passées entre Malachie et Matthieu, 400 ans notamment. Donc, depuis Malachie jusqu'à Matthieu, il y a 400 ans. Pendant 400 ans, il n'y avait pas eu de prophète, c'est-à-dire les fortes paroles de l'Éternel, ceux par qui Dieu devait passer pour orienter le peuple. Et durant ces 400 ans où Dieu s'est tu, mais dans l'Écriture parlait toujours, les gens se sont formés, les synagogues, les groupuscules se sont levés, prenant en otage les lois et les commandements du Seigneur Dieu des années. Alors les sadducéens peuvent dire que nous pensons qu'il n'y a pas des anges, il n'y a pas de résurrection. Les pharisiens peuvent dire qu'il y en a les deux, mais il faut laver les mains quand on marche. Quand tu rentres dans la place publique, il faut laver les mains. Il faut faire attention, ne regarde pas les gens comme ça. Il faut que tu baisses la tête quand tu vois un rabbin. Quand tu le vois sur le plat, tu dis salue-le. Paye la dîme de ta menthe et les cumins. Jeûne deux fois par semaine. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors voilà des choses qui ont été ajoutées à la parole du Seigneur avant que Jean-Baptiste ne fût. Alors le peuple était tellement embrouillé. Quand il s'est blessé sur la place publique, quand un saducéen parlait, parce qu'il finit, quoi qu'il a fini le tableau. Un pharisien vient balayer ça dans le réveil de la mer. Et la discussion est dans le peuple. Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Alors, pendant ce temps, quelque part là, dans le sud du pays, Dieu, quelqu'un est né. Il n'avait rien à faire avec ces histoires-là. Ils étaient là. Oh, Dieu est notre éternel. L'éternel est Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est bon et compatissant. Celui-là était là comme ça. Il n'avait rien à la capacité. Elle s'est pointée de pam, pam. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est qu'il y a des royaumes encore. Tu sors d'où avec un genre de prédication. Voilà, dis-nous d'abord, mais pour commencer, qui a signé ton diplôme de fin de formation? Les pharisiens ont dit qu'on ne le connaît pas. D'abord, tu as entendu ce genre de message chez nous. Et là, on dit non. L'autre dit, mais attends, finalement, tu sors d'où? Tu es chez les Sadducéens? Il dit non. Vous savez, c'est bien aimé. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok, dis-nous. Tu es quoi? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, mais c'est quoi cette histoire encore? Il dit, comme le prophète Esaïe l'a dit. Il parlait de quoi au juste? En fait, c'est de moi qui parlais. En fait, il ne parlait pas pour que vous compreniez le contexte qui s'est passé là-bas. Alors, qui se tient là-bas, il dit, mais attends, dis-nous, ok, si tu es la voix, tu es le prophète, je ne le suis point. C'est pas croyable. Tu es Élie, je ne le suis point. Tu es le Christ, je ne le suis point. J'ai été seulement envoyé devant lui. Il devait comprendre à partir de là que quelque chose est sur le point d'être arrivé, frère. À partir de ces points qu'il a dit, je n'ai été envoyé que devant lui. Je ne le suis point. C'est les disciples sont venus dans Jean au chapitre 3. Il dit, mais celui dont tu as dit avant-hier là que, il faut, que voilà l'agneau de Dieu qui est au passé du monde. Voici, il baptise et tout le monde va à lui. Il dit, vous êtes témoin que j'ai dit que je ne le suis point. Mais que j'ai été envoyé seulement devant lui. Il faut qu'il croisse et que moi j'ai diminué. Bien aimé, c'est merveilleux. Donc, autrement dit, il est sur le point de quitter la scène. Parce que son temps est arrivé. Alors, les voies et moyens comme Dieu a choisi pour le faire quitter la scène, doit le faire. Alors, coupez sa tête pour qu'il quitte la scène. Vous saisissez là, n'est-ce pas? Alors maintenant, les circonstances, laissons Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste se trouve en plein au milieu de nous là maintenant. Jean-Baptiste se trouve en plein au milieu de nous. Parce qu'il faut, pour que le Seigneur vienne à la cour, il faut que chaque fois qu'il y ait Jean-Baptiste, ça c'est l'écriture. Et si vous ne savez pas d'appeler, que tu savais dès maintenant que Jésus doit venir sans qu'il y ait Jean-Baptiste. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ok. Alors, voici Jean-Baptiste se tient au milieu. Il faut qu'il prêche à la foule. Maintenant, la foule, avant qu'il ne vienne, il faut qu'il y ait des dénominations. Les Sadducéens, les pharisiens, la synagogue des affranchis. Nous sommes le même contexte que tout maintenant dans l'église. Alors c'est bien prêt pour que Jésus arrive. C'est cela, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardons encore dans le contexte dans lequel je suis en parler du Saint-Esprit. Normalement, sous la loi, dans la loi qui avait été donnée, ça avait été donné avec l'expression d'une blanche. Ça avait été donné avec le sang aspersion. Ça avait été donné avec l'arche de l'alliance. Ça veut dire que l'Éternel marchait au milieu d'eux. Quand l'Éternel marchait au milieu d'eux, la colonne de nuit les suivait, la colonne de feu les protégeait au courant de la nuit. Alors, Israël était gardé, guidé par le Saint-Esprit. À l'instant où ils ont commencé à se former des décisions, parce qu'ils sont des dieux, le Saint-Esprit s'est retiré, les hommes ont commencé à mettre donc leurs pensées dans les Écritures. Leurs pensées dans les Écritures. Leur propre interprétation. Est-ce que c'est ici? Ok. De la même façon, l'Église avait été conduite par le Saint-Esprit dès sa naissance. Vous allez entendre maintenant que Paul et Barnabas envoyés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on dit que Full Gospel a envoyé les missionnaires en France. Vous voyez la différence là maintenant? Vous voyez? On dit que le comité d'administration de telle dénomination a envoyé ses missionnaires. Ses missionnaires au sud du Cameroun. Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. C'est la bien aimée. Parce qu'ils savent même que s'ils disent que le Saint-Esprit a envoyé, c'est le blasphème. Donc ils ont peur de cela. Mais quand on ne sait plus discerner, on ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible déclare que l'apôtre Paul, voulant descendre à celui-ci, voulait passer par là pour à Éphèse pour annoncer la parole de Dieu. Il fut empêché par l'Esprit de Jésus. Donc, tout le Nouveau Testament montre clairement une église conduite par le Saint-Esprit. Plus grave encore, lorsque un problème a été né dans l'église, dans Actes des Apôtres, chapitre 6, la Bible déclare qu'il n'est pas bon que nous laissions la parole, j'aime cette parole-là particulièrement, que nous laissions la parole de Dieu pour nous occuper à la table. Choisissez parmi vous, écoutez bien frère, sept hommes de qui l'on rend bon témoignage. Et ce sont ces choses qui seront développées dans les épîtres par rapport au choix des conducteurs, par rapport aux gens qui sont censés diriger le peuple de Dieu. Il dit choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint. Donc, pour servir la nourriture aux frères et aux soeurs, il fallait être baptisé dans le Saint-Esprit authentique. Pour servir la nourriture, donc l'eau comme ça, vous pouvez me voir. Si tu es baptisé au Saint-Esprit, tu ne sers pas. Si tu bois ton eau, tu bois ton eau. Mais si c'est pour l'eau, pour l'Église du Seigneur Jésus, pour le servir, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans notre contexte, la seule condition requise, c'est que tu aies de l'argent, un bon poste de travail, un des noms anciens. Ce sont des choses que sont en train de regarder parce qu'il faut qu'on fasse une repentance. Vous comprenez bien aimé? Si on ne voit pas qu'il y a du mal, en fait, chaque fois, si on décrit cela, on ne voit pas que là où il y a le mal. Si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les yeux, pour que nous voyons là où il y a le mal, nous allons tourner comme ça, faire ce que j'ai dit ici au départ. Tant que le Saint-Esprit n'est pas là, on trouve des substituts. alors on va faire des programmes. La louange qui est conduite par le Saint-Esprit, on va faire les spécialistes travailler. On dit ta voix, ma soeur, ta voix ne résonne pas bien, quitte là. Parce qu'il faut que le pasteur entende que ta voix sonne bien. Vous imaginez en Israël ces bruits, cris, les tremblements, oh, le crapaud. Je vous ai toujours dit que le crapaud loue l'éternel, vous savez. Ce n'est pas bien tes oreilles, mais Dieu aime ça. Absolument. N'est-ce pas bien aimé? Alors on va trouver les substituts. Quand il n'y a pas de louange, on va faire tout. Parce qu'on sait très bien que dans le satanisme, la musique est un moyen pour passer à l'hypnose, pour hypnotiser la foule. Alors, lorsque tu es dans un état particulièrement par rapport à la maison, on peut dire n'importe quoi, tu crois ça t'a rendu compte. Tu peux sortir de ton argent donné. Voilà pourquoi l'un des prédicateurs, Lyric Warren, disait que pour qu'une église croisse, lisez ce livre satanique, il faut particulièrement mettre l'accent sur le groupe religieux, sur la partie où ça s'appelle la chorale. L'accent là-dessus. Instrumental. Parce que la musique, d'après Anton Lavie, c'est un moyen de Satan particulièrement pour toucher le subconscient. C'est ce qu'Anton Lavie, le prêtre d'église, Satan dit. Et c'est ça donc qu'on a vu. Alors donc, une vague donc est née à partir de ces genres de concepts qu'on appelle l'église réveillée. L'église réveillée était cartonnée et marquée par le fait de faire des bruits avec le prrrr. Alors on a commencé à confondre cela à l'église du Seigneur. D'où est-ce que c'est venu? Alors vous avez les spécialistes de chorale qui sont là maintenant. Juste, le problème maintenant, c'est que les gens ne voient pas de mal à cela. On croit que c'est en faisant des bruits. J'avais vu un pasteur, il dit que frère, l'heure arrive qu'on mène les jeunes au pasteur, on prie. Il m'a regardé, il a dit que toi, petit jeune, moi je vais acheter les bars. Je vais acheter le tantan pour faire les bruits. J'ai dit que c'est pas ça qui réveille. Le réveil, ce n'est pas que quelqu'un soit ouvert, les yeux soient ouverts, qu'il ne dorme pas. Le réveil, c'est qu'on prenne conscience de notre pauvreté spirituelle et notre soif et notre besoin pour la venue du Seigneur. Vous savez ça, n'est-ce pas? Alors, qu'on quitte l'état du péché pour vivre dans la sainteté, c'est ça le réveil. Alors, ils ont confondu le réveil au sommeil de la chair. Alors, en fait, ils confondent le réveil. Quand tu bouges dans la salle, qu'est-ce que. C'est pas ça le réveil. Déjà, ton voisin, c'est pas ça le réveil. Alors, on leur a donné le nom de l'église réveillée. En fait, normalement, le nom qu'on devait leur donner, ce n'est pas l'église réveillée. Je vais vous donner ce soir, par révélation, le nom qu'on devait donner. L'église bruitière. C'est ça qu'on devait leur donner. Donc, l'église qui fait des bruits. Je vais vous dire quelque chose. Si une église est réveillée à la manière du Seigneur, les passants, les prostituées, les brigands viendraient se prosterner pour accepter le Seigneur. Si une église est réveillée d'après le Seigneur, alors les gens se prosterneront. Vous vous souvenez de l'acte des Apôtres, chapitre 16, où on a jeté l'apôtre Paul et Silas en prison. Lorsqu'ils louaient Dieu dans cet état de persécution, le geôlier en chef, ce qu'on appelle le gardien principal ici, est venu se prosterner devant lui, il tremblait, vous a. Voilà le chef de prison qui vient se poser devant un prisonnier. Il dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être sauvé? Voilà le réveil, mes chers amis. Voilà le réveil. Amen. Alors, il y a de quoi l'État doit s'inquiéter par rapport à ces bruits. L'État ne s'inquiète pas par rapport au réveil, mais par rapport au bruit. Vous avez vu, on a porté plainte pour réveil. On porte plainte pour quoi? Pour bruit, c'est l'église bruitière. Ta page nocturne. Alors, c'est ce que je disais, substitut. Comme il n'y a pas le réveil dans l'église, on a cherché un voie de moyen pour contenter la chair. Mais Dieu sait réserver toujours un peuple qui le cherche de sa façon. Et qui, de cette façon, lorsqu'ils trouvent, ils présenteront aux frères. Mais souvenez-vous, les frères là vont les haïr. Et troubles de l'existence. Donc souvenez-vous, voilà pourquoi on commence à parler des deux. On dit que tu parles de la Bible comme les gens de l'église réveillée. Souvenez-vous, il n'y a pas encore d'église réveillée au Cameroun. Souvenez-vous, il n'y a pas encore d'église réveillée au Cameroun. Je parle au sens biblique. Il y a les églises tapagères, les églises bruitières, partout vous entendez. Donc si vous voyez, église réveillée du septième jour, n'importe quoi que vous pouvez vouloir dire, l'église bruitière du septième jour. L'église réveillée. Une église qui est réveillée, c'est ce style d'église, comme j'ai commencé dans ce texte-là. Commençons cette exhortation par cette l'exhortation de l'apôtre Paul tirée dans Romains chapitre 13. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce qu'il crie? Il n'a pas dit chercher les baffles et les pianos. Il n'a pas dit ça. L'église doit être sainte, irrépréhensible, debout, prêt à combattre tout ce qui est comme corruption et péché dénoncé. Aujourd'hui, on est tellement familier avec le péché que c'est à peine nous qu'on en parle. Et si on en parle, on a peur que les membres du groupe. Alors, parce qu'il y a des grands intouchables dans l'église, des anciens qui ont vu, on ne prêche pas contre cela. On cherche les versets pour caresser les gens. Dieu est bon et miséricordieux. Même si tu viens un peu dans le péché, il va toujours te pardonner. Et que faire de Dieu de justice alors? À cause de quoi il va arrêter sa justice? Non. Non. La Bible déclare que considère la bonté et la sévérité de Dieu. Si tu considères qu'il est bon, considère aussi qu'il est sévère. Alléluia. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Et ne sachant pas que sa bonté te pousse à la repentance. Donc plus tu connais que Dieu est bon, plus tu dois te repentir par rapport à sa bonté. Donc nous sommes en train d'analyser pour voir d'abord le mal qu'il y a dans l'église. Je fais encore le résumé pour ceux qui avaient été là vendredi dernier. Vendredi prochain, on va avancer, si le Seigneur le permet. D'accord? Vendredi prochain, on va avancer. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les disciples du Seigneur Jésus-Christ marchaient dans la parole, dans la puissance, sous la conduite du Saint-Esprit. Ils avançaient quand le Saint-Esprit leur demandait d'avancer. Aujourd'hui, nous faisons le programme. Nous invitons le Saint-Esprit à venir nous trouver. Je vais encore redire ça pour vous saisir. Nous faisons les campagnes. Nous invitons le Saint-Esprit à venir nous trouver. Alors la question maintenant c'est, nous faisons l'œuvre de qui? Ou mieux, Dieu est censé faire notre œuvre ou nous devons faire son œuvre? Campagne d'évangélisation, nuit de prière, allez, venez avec tous les malades, vous serez guéris. Dieu va descendre, accomplir sa parole, apporter tous les malades que vous avez. N'oubliez pas de faire votre semence de la foi. Toujours. Pour que votre miracle arrive vite, il faut s'aimer beaucoup. S'aimer sans vous fâcher. Et vous êtes sûr que vous allez vous fâcher parce que de toute façon. Je suis sûr que vous allez vous fâcher parce que en prenant le on a dit que ça c'est l'argent du bail. Je donne ça pas à la foi. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce que je souhaite à l'église, c'est que l'église soit réconciliée avec Dieu. Si vous êtes réconcilié avec Dieu, si nous sommes réconciliés avec Dieu, Dieu nous conduira de toute façon comment s'aimer vers lui. Pour lui, les semences qui lui plairont. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est du folklore. Parce que quand même tu vas dire que mon frère, c'est par amour, il y a un brin d'orgueil. Donc en fait, ce qu'il faut en gros là, c'est une réconciliation claire avec le Seigneur et un authentique baptême du Saint-Esprit. Comme il a dit dans ses Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 et 20, « Répentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » C'est simple. Le canal est donné. Alors, si on lit donc Jean chapitre 14, verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à la vie éternelle, dans ce verset 5, chapitre 5, verset 25, 24, il dit maintenant, « Celui qui croira en vérité fera les œuvres que j'ai fait et en fera de plus grandes. » Il dit parce que je m'en vais au Père. Il nous a abandonné qu'il m'en vais au Père. Ah, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il est allé au Père vrai. Le consolateur est effectivement venu vrai. Nous l'avons vu fonctionner dans l'église, n'est-ce pas? Le modèle est placé. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dit la Bible dans Éphésiens, au chapitre 2, le verset 20 et 22. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc c'est posé. Et le Seigneur Jésus-Christ, disant toutes ces paroles-là, a conclu en disant dans Matthieu, chapitre 25, 24, verset 35, il leur a dit, et il nous a dit, le ciel et la terre passeront, mais pas les paroles ne passeront point. Donc, comme il a dit que voici les miracles encore ceux qui auront cru, tant que tu tournes pour voir le soleil, tu sais que c'est la parole subsiste encore. Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, ces paroles ne passeront point. Donc, la terre et le ciel, il y a encore la terre, pas vrai, frère? Oui. Donc, tant que ça subsiste, sa parole subsiste. Si ça passe, ça veut dire que c'est. Ah. Il dit même que même si la terre est détruite, la parole va rester même. Alors, nous sommes encore sous le soleil. Jésus-Christ n'est pas encore venu chercher son épouse, mais il est sur le point d'aller, de venir. Et quel style d'épouse viendra te chercher? Il a dit sans tache ni ride. Et cette maladie dont nous parlions tout à l'heure là, le mal du Saint-Esprit, le manque du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, c'est le Saint-Esprit qui retire l'église. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans l'église, il ne viendra pas. C'est pour ça que je vous parlais chaque fois dans l'enlèvement que l'importance le plus ultime de chaque chrétien, c'est de savoir de façon claire et indélébile qu'il est baptisé authentiquement du Saint-Esprit. Ne nous trompons pas. Si ça ne va pas, demandons à Dieu. Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu te trompes que tu es baptisé. Quand l'enlèvement viendra, tu sauras vraiment que tu n'étais pas baptisé. Et là, ce sera trop tard. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Nous saisissons, n'est-ce pas, bien aimé? Voici pourquoi nous nous sommes réunis ici. Et nous sommes avancés donc la dernière fois en lisant le livre de Apocalypse au chapitre 3. Nous sommes arrivés au verset 20 et 21 où nous avons remarqué que Jésus a dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Après avoir développé depuis le verset 14, ça descend à l'église de Laodicée. Nous avons d'abord développé d'après le contexte en comprenant que, d'après le contexte, avec les caractéristiques de l'église qui décrit là-bas, nous avons convenu que c'était de notre époque qu'on décrivait. Parce qu'il n'y a pas d'époque dans l'histoire de l'église où les gens sont riches, où sont, on a enfoui vraiment dans la somme de la richesse et dans la perte de temps comme ça. On a vu que c'est les caractéristiques de notre époque pour bien comprendre que c'est dans notre époque qui est la dernière. Et en fait, c'est à la dernière église que l'enlèvement va avoir lieu. Et nous avons vu qu'à partir du verset 22, nous avons vu au chapitre 4, Jean dit qu'après cela, la voix qui me disait, fille, monte ici, était montée. On a vu qu'à partir du chapitre 3, le verset 22, l'enlèvement a eu lieu. Donc, la dernière église reçoit l'enlèvement directement. Et nous sommes à la dernière église. Donc, nous avons contextualisé et analysé ces versets du verset 14 au verset 20 pour comprendre que vraiment c'est de notre église dont il est question. On a vu cela. Et alors, on a vu quelque chose par surprise que Jésus se trouvait plutôt dehors. Il a dit, voici, je me tiens à la porte. On s'est arrêté là la dernière fois. On a vu que s'il se tient dehors, il a dit de frapper. Il se tient à la porte pour frapper, désirant entrer. Suppose donc que dans notre époque, il se trouve à l'intérieur de l'église. Donc, et nous avons vu que ce questionnement-là, voici, je me tiens à la porte et je frappe, voudrait quand même dire que quand même comme s'il est dehors, il se réserve un peu plus sur lequel il veut entrer. Et nous avons donc vu que voilà l'objectif de notre réunion, c'est de faire entrer le grand roi. C'est le seul objectif. Voilà pourquoi donc il ne faut pas qu'on tolère les distractions. Donc le but donc de cette nuit de prière, c'est de faire que le Seigneur lui-même prenne le contrôle de son église. Parce que c'est son église à lui. Il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas un être humain. Alors s'il bâtit l'église, c'est lui qui choisit des gens qui doivent travailler. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un qui doit désigner quelqu'un qui fait telle chose, jamais. Toutes ces choses-là, ce sont des gabegies humaines. Il faut que le Saint-Esprit t'appelle pour une heure. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Timothée, prends soin de ce que tu as reçu là par prophétie. Le Saint-Esprit qui parle au travail, pas un être humain. Fais-le bien évangéliste. Vous entendez ça, n'est-ce pas, bien aimé? Donc c'est le Saint-Esprit qui appelle. C'est le Saint-Esprit qui appelle. Aujourd'hui, on a le conseil humain. On décide, on croit peut-être que si on vote forcément Dieu est là-dedans. Il est derrière tout vote qu'il a initié. Il est derrière tout groupe qu'il a initié, toute décision de l'église dans laquelle le Saint-Esprit est impliqué. Si ce n'est pas ça, organisez-vous là-bas, faites vos élections, il n'y a pas sur ça. C'est entre vous les hommes. Alors on va organiser des campagnes, on va demander au Saint-Esprit de venir, et l'autre Saint-Esprit va venir. L'autre Saint-Esprit va venir. C'est terrible. L'autre Saint-Esprit doit venir. Souvenez-vous, de façon sporadique sur la terre, il se manifeste. Je ne suis pas dit qu'il est absent partout. Non. De façon sporadique sur la terre, il se manifeste. Mais la première église, l'église du Seigneur, dont il veut que nous retournions à cette originale-là, était des gens de feu partout. Quand ils passaient partout, on savait. Imaginez seulement, bien aimé, que vous marchez dans la ville, un marché, vous passez comme ça, votre homme guérit quelqu'un, vous regardez un fou, il dit, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Là, tout le monde vient vers vous. Vous prêchez l'évangile, les gens se convertissent. Soit vous dans les marchés centrales, marchés, vous appelez marché Congo, là, les gens vendent avec les talismans, les marabouts partout, ou les maraboutismes partout, ils font brûler le marché chaque jour à cause de l'aide des démons qui viennent là-bas, ils ne trouvent pas de sacrifice, vous savez cela? Alors, vous venez là-bas, vous délivrez les gens. Les gens se prosternent, se adorent, ils se couchent dans la boue. C'est ça que Dieu veut comme impact de l'église. C'est ça que Dieu veut. C'est pas l'église qui ont construit que par que venez à l'église dimanche, c'est pas ça. Remarquez très bien dans votre Bible à vous, c'est l'église qui allait à la recherche des perdus. Dans votre Bible, c'est l'église qui allait à la recherche des perdus. Ce n'est pas les perdus qui venaient à l'église. C'est l'église qui allait à la recherche des perdus. Pierre, Paul, reste dans cette ville car j'ai un peuple nombreux là-bas. Il reste là-bas, il prêche. Quand il finit, Dieu dit que monte là-bas, va à celui-ci. Après, il finit, va à l'église. Va à l'église qui marche. Vous savez ça, n'est-ce pas, bien-aimé? Voilà. Aujourd'hui, on dit qu'en venant à l'église dimanche, le prochain, amenez vos amis. En fait, vous savez très bien que c'est l'argent quand on en donne les comptes. Que même si c'est grave, on donne les 10 francs, même si on les 10, ça fait 100 francs. Donc, très bien, mais quelque chose ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Alors, si quelque chose ne va pas, toi et moi nous sommes coupables. Puisque nous disons que nous avons cru au Seigneur. Qui n'a pas cru au Seigneur? Si nous tous avons cru au Seigneur. Alors, si ça ne fonctionne pas chez nous, regardons quel est notre problème à nous aussi. Peut-être que nous n'avons pas cru de la bonne manière. Peut-être que nous avons cru sur de mauvaises bases, sur de mauvaises motivations. Peut-être que nous n'avons pas été retranchés par rapport à notre nombril. Vous savez, quand on parle de nombril, le cordon ombilical n'a pas été coupé par rapport à certaines choses. D'où la nécessité de la séparation dans toutes choses que Dieu reconnaîtra comme appartenant au monde. C'est clair. Dieu a dit, si quelqu'un aime le monde, c'est Jacques chapitre 4, verset 8, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous comprenez donc que les gens peuvent se tromper, et les gens se trompent effectivement. Vous voyez une femme, elle est habillée de façon mondaine. Tu dis n'importe quoi, il dit que non, Dieu est, non, franchement, le Saint-Esprit nous conduit. Lui, elle-même l'appelle, le Saint-Esprit nous conduit, avec le ventre dehors. les cuisses dehors, ça soit écrase de pied avec le venin, avec les ongles qui peuvent tuer les gens. Je parle du Saint-Esprit, que Jésus est vraiment glorieux. J'étais enceinte, je peux te donner le témoignage, frère. Je cherchais l'enfant, Dieu m'a donné l'enfant. Mais il donne l'enfant même aux prostituées dehors. Il donne aussi même aux païens. Donc l'enfant n'est pas un témoignage que tu veux. La sainteté de Dieu doit se voir d'abord sur toi. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des païens qui ont des problèmes là parce que chaque fois, quand ils partent avec un homme, c'est trois enfants qui sortent directement. Ils ne savent même pas où mettre. Donc, pense que c'est un miracle là. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, voilà son témoignage qu'elle peut donner pour montrer que jusqu'à l'heure. C'est pour te dire que n'étant pas le même parler de mon habit. Parce que si Dieu là était Dieu, si c'était vrai ce que tu allais le dire, Dieu ne devait pas passer venir me donner l'enfant sans me parler de l'habit. Toi, tu me dis l'habit, tu es qui? Et la Bible déclare donc que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde. Donc quelqu'un est à l'image du monde. À l'image du monde, vient dans une assemblée chrétienne, on ne lui dit pas la vérité. Et cette personne va croire qu'elle est convertie parce qu'elle connaît bien les versets bibliques. C'est pour ça que je lui dis que si nous avons cru et que ces choses ne se manifestent pas, il y a un problème avec nous aussi. Nous avons un endroit qu'on doit déconnecter. Voilà pourquoi vous entendez dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, si vous lisez en descendant. Il va dire que si du moins, conformément à la vérité qui est en Christ, vous avez été annoncé, et il vous a annoncé la vérité qui est en Christ, parce qu'il y a une vérité en Christ. Donc si dès le départ, on ne vous a pas prêché cette vérité-là, ça va vous causer problème dans la marche chrétienne. Il dit que c'est que je vous exhorte, je vous dis ceci, je vous recommande ceci, dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Il dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Remarquez très bien. Ce sont ces gens qui ont l'ignorance en eux, ce sont ceux qui causent les habits, les modes d'habits aux chrétiens. À cause de l'ignorance qui est en eux. D'accord, bien aimé? Donc nous avons scruté jusqu'à arriver au niveau où le Seigneur Jésus se trouvait hors de la porte. Il a été en train de toquer des erreurs en Dieu. Et nous avons conclu que non, nous allons entendre ces voix. Parce que là, il finit par dire, si quelqu'un a l'oreille, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes de ceux qui avons entendu ce que l'Esprit dit à l'église. Il voulait dire à l'église qu'il désire posséder son église. Que les hommes déposent les gandoras, déposent les gants, déposent les bagues ecclésiastiques, déposent les théologies, déposent les livres qui sont pour déposer le peuple. Reste tranquille et si Dieu veut les utiliser, qu'il les utilise. S'il ne veut pas y choisir, il se choisit les gens qui vont l'utiliser. C'est ça qu'on a toujours la voulu faire. En fait, qu'on le veuille ou non, dans ce pays-ci, le Cameroun, ce que Dieu a décidé, c'est peut-être c'est la Bible multipliée par 7. J'ai dit, c'est peut-être c'est Actes des Apôtres multiplié par 7. C'est pour le Cameroun. Parce que le Cameroun, oui, le Saint-Esprit, ce qui va se passer. Et là, les confrontations vont avoir lieu. Quand les confrontations vont avoir lieu, vous allez remarquer donc maintenant que des gens vont haïr les chrétiens. Ce sont les soi-disant chrétiens qui vont se haïr, un peu comme les pharisiens pouvaient haïr Jésus. Ce sont les deux accrochés à la loi. Tu rends témoignage de toi-même. C'est toi-même pas parce que d'après la loi, c'est dit ainsi. Il dit, oui, je rends témoignage de moi-même, mais on peut se rendre témoignage de moi-même. Alléluia. Ok, donc ce sera parole contre parole. Donc on va s'attendre à la parole tout à l'heure. On va remarquer dans la parole que ça n'a pas changé. Les réveils, c'est comme ça. Donc il y a des gens qui sont anti-réveil. Mais souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de tout ce que vous dites chaque fois dans le CD. Le bulldozer du Saint-Esprit est en marche. Donc quand on dit ces choses-là, vous pouvez regarder. Quand Élie a dit à Akab que descend avant qu'il ne pleuve. Imaginez, regardez que je suis que comme tu as fait un truc là. Le soleil, si tu as marché dans le désert, tu as fait comme ça. Il guette comme ça, le soleil brille là-bas. Il dit que descend rapidement parce qu'il entend un grondement. Ce que Élie entendait, Akab n'entendait pas parce qu'il n'était pas dans la même dimension. Donc il peut regarder le ciel semble briller. Mais à Élie, c'est que la pluie va tomber parce que quelqu'un, celui qui l'a envoyé, dit qu'il va pleuvoir. Il va pleuvoir. C'est n'est-ce pas? Alors donc, c'était hors dimension. Donc on se tient là, on dit, ce qui va arriver au Cameroun. Frère, je ne suis pas de vie que vous croyez. Ceci ne dépend pas de notre foi. Que vous l'admettez ou non, si vous tous qui êtes ici devant moi, et ceux qui nous écoutent partout dans le monde entier, s'ils sont d'accord, oui ou non, ça va se passer. Donc sans nous, ou bien avec nous, ça va. C'est passé parce que c'est un décret du Très-Haut. Quand le Très-Haut fait le décret, il s'attend à l'accomplir. Donc, pour nous, ce sera comme de se réjouir. Comme Jean-Baptiste a dit que la joie est pour moi de rester et observer l'épouse. Mais ici, c'est que la joie, ce sera que nous faisons partie de l'épouse pour être enlevé. Nous ne devons pas observer la chose à distance. Nous ne serons pas de ceux qui ont accompli ces prophéties. Regarde, examine, contemple et passe. Jamais, je ne vais pas passer. Je vais être un acteur intégral. Alors, nous avons un rôle à jouer. Notre seul rôle dont Dieu a nous demandé, c'est la repentance et c'est préparer. C'est le seul. C'est le seul rôle que Dieu a nous demandé de jouer. On se repent. Il est si mon peuple, comme on a vu là, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Il donne trois points. C'est Dieu qui a dit, voilà ce qu'il nous demande de faire. Il n'a pas demandé d'aller prêcher, jamais. Il faut qu'on fasse d'abord ces choses-là pour être amen. Alors, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, on va créer les substituts. On est sur les quatre lois spirituelles, les quatre vérités. Si tu lis ces quatre vérités, tu vas savoir vraiment que tu es sauvé, oui ou non. Quelqu'un lui dit, faut le faire, bêtise. Mais quand le vrai Saint-Esprit est là, on peut courir jusqu'à quand lequel des prophètes n'avait pas tué. Vous voyez comment les gens bougent à tes côtés, on fait, allons nous faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est fini. Non, vous calmez, répentez-vous, tous vous m'avez baptisé. Vous n'êtes pas bien aimé. Pourquoi? Parce que la flûte du Saint-Esprit transperce les incrédulités du cœur. C'est ce qu'il a dit. Lorsqu'il viendra, il convaincra du monde du péché. Ce n'est pas le cas de vérité, jamais. C'est le Saint-Esprit qui doit le faire. Donc, quand il n'y a pas le Saint-Esprit, on se trouve des substituts, les techniques d'évangélisation. Si tu vois un musulman, ne tente pas de dire que je quitte Dieu parce qu'il va te tuer. Ça va te faire que tu vas bloquer, que Dieu ne parle, que Dieu ne les sauve plus. Bloqué, tu peux bloquer le Saint-Esprit, toi? Quelqu'un veut bloquer le Saint-Esprit? Non. Parce que nous nous sommes formés, les gens. Nous voulons faire des prosélytes. Comme on l'a dit dans Saint Matthieu chapitre 23, verset 15. Nous voulons faire des prosélytes. Nous voulons que les gens soient convaincus. Alors, on a les techniques d'évangélisation. J'aimerais bien qu'on voie, nous, chrétiens, aujourd'hui, que ces choses que nous avons développées, de façon diverse, est bien. De façon intellectuelle, c'est bien. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans l'intellectualisme. Le Saint-Esprit travaille selon les choses du royaume. Et ces choses du royaume ne sont pas classiques. Les choses du royaume ne sont pas monotones. Quand il dit les choses du royaume ne sont pas monotones, ça veut dire que ça va comme une fonction. C'est-à-dire que si tu rencontres un musulman, comment tu ne vas pas dire Inch'Allah? Même si tu n'es pas d'accord avec Allah, dis quand même comme ça dans le sud de l'Ogané, c'est pas comme ça. Je me souviens, j'ai une voisine que je sortais pendant que j'ouvrais le portail. Vous savez, quand Dieu vous conduit, elle est là, elle s'habille comme une prostituée. Je ne lui ai jamais rien parlé. J'ai dit à ma femme que c'est Dieu qui nous a envoyé dans cette cité, si c'est pourquoi elle le fait. Les bisous se créent dans les maisons. On reste tranquille. Il se rend compte qu'il vient chez nous, il ne voit pas la télévision. Il dit, mais attends. Parce que vous faites même, vous passez toute la journée ici. Vous faites même, vous distrayez comment? Il dit, quand on passe la journée, on fait même 3 jours, on ne se rend pas compte qu'on a passé 3 jours parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il guette dans la maison comme ça, il ne voit pas la télévision, il guette comme ça, il dit, mais vous faites quoi ici? Il n'y a pas de télévision. Vous ne vous distrayez pas, c'est comment? Je dis, vous qui vous distrayez là, ça vous laisse là dehors. Je ne lui pose pas cette question directement. Je le pose en esprit, d'accord, René? Mm-hmm. Alors, celle-là, elle était en jeûne parce que ça ne va pas dans son foyer. Elle était en jeûne. Pendant qu'elle sort, quelque chose sort de ma bouche. Va dire à ta mère que Jésus-Christ l'aime. Elle avait dit, maman, pasteur a dit Jésus-Christ t'aime. Elle a laissé la cuisine, couru dans la chambre, aller pleurer. C'est entré dans son cœur comme la flèche. Elles sont commencées à venir un à un. Elle dit, parce que nous avons remarqué que tu es le seul ici à la cité, donc tu vis avec ta femme en harmonie. On sait que c'est le vrai mariage, c'est divin. C'est le païen qui dit que ton mariage est divin. C'est le païen. Nous avons 15 ans d'espérance, 8 ans d'espérance. Je ne suis qu'au 5e. La grâce de Dieu me soutient. Alors les gens qui sont anciens là-dedans viennent demander le conseil aux jeunes. On leur donne la pensée de Dieu d'après leur foyer. Le mari lui-même en sortant pour aller au travail, dit à sa femme que j'ai dit qu'elle. Toi là, c'est sa femme qui dit comme ça. C'est sa femme qui vient regarder à ma femme plus tard. Il dit, toi là, tu marches dans les maisons. Tu n'as pas vu la femme de France, comment elle est toujours. Tu marches pas où? Regarde comment elle s'habite. Toi, tes fesses sont toujours dehors. Regarde, c'est une vraie femme là-bas. Frère, c'est un païen qui le dit. Si tu as des témoignages, ça ne me fait pas rire, ça me fait tout plutôt pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes du pasteur, vous avez remarqué, non seulement même le pasteur, on va voir tout cela dans les Écritures. Les femmes du pasteur et les pasteurs, nos témoignages extérieurs, nos vies parlent plus que la Bible. Parce qu'ils ne m'ont jamais vu sortir avec la Bible là-bas où vous marchez pour dire Jésus Christ, Seigneur, donnez-vous Jésus. Je ne les irai jamais. Si Dieu me dit de parler une parole, je parle. Ils sont là. Si Dieu veut les sauver, Dieu veut sauver n'importe qui va sauver. Mais quand nous sommes automatiques, non. Non, Dieu a dit qu'aller d'abord à Jérusalem. Avant de dire aller dans Jérusalem, il a dit attendez d'abord le Saint-Esprit. On sort toujours cette étape-là. Alors il dit que soyez témoins à Jérusalem avant d'aller en Samarie. Avant de dire que témoignez à Jérusalem, il a d'abord parlé du attendre le Saint-Esprit. Donc si tu es trompé que tu as le Saint-Esprit, va donc faire à Jérusalem, tu confies. C'est ça ici. Donc notre environnement, les gens nous suivaient. Les gens nous suivaient. Les pasteurs bagarrent parce que le matin, tu vois les yeux de sa femme est rouge comme ça. Les pasteurs. Après, ils viennent au pupitre pour prêcher. Il est disqualifié devant Dieu pour prêcher. Il y a un pasteur, je suis allé chez lui, je ne sais pas, je ne me souviens plus c'était où, ça ne me vient pas bien à l'esprit. Il est rentré comme ça, il tournait son habit. En ce moment, il y avait la délestage. Il sortait vous savez, de la boîte de nuit, je ne sais pas, de la vente. À distance, il sentait l'alcool. Il me dit que qui est ce pasteur qui vient chez moi sans demander le curé des lieux. En tournant la vue, il dit que je suis le plus grand pasteur du Sadoua là. J'ai gradué ici des écoles de théologie. Je l'ai regardé comme ça là. Debout, tu vois le démon en personne. Le pasteur. Et là, la même chose pour sa femme. Vous voyez, ça ne peut pas arriver. Or, ce n'est pas lui qui est le problème, c'est le nom du Seigneur Jésus qui est blasphémé. Tout ça pourquoi? On lui a donné le diplôme, on lui a décelé un diplôme qui fait de lui un pasteur. Il n'y a pas de pasteur diplômé. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Si quelqu'un a un diplôme pour certifier qu'il est pasteur, alors c'est un pasteur humain, pas pasteur de Dieu. Les pasteurs sont appelés directement de Dieu. Quand il parle de pasteur, il dit les bergers sont appelés directement de Dieu. Ils connaissent la commission que Dieu leur a assignée. Quand vous entendez, bien-aimés, vous tous qui m'écoutez, vous entendez quelqu'un dire que vous connaissez qui était pasteur et à un moment donné, il est évangéliste ou bien apôtre. C'est un lourd ravisseur. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Il dit, si vous voyez quelqu'un qui un jour connaissait que c'était un pasteur, maintenant vous entendez quelqu'un, un apôtre, c'est un ouvrier trompeur. C'est un ouvrier trompeur. Vous entendez quelqu'un dire que j'étais enceinte de l'église, maintenant je suis pasteur. Vous comprenez très bien que même la Bible, la théologie, les embryons ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc on leur a donné les trompes. Donc pour eux, pasteurs, prophètes, évangélistes, ceci, c'est comme les grades militaires, ces gens chefs, adjudants chefs, c'est sous-lieutenant. C'est ça qu'ils ont. C'est ça qu'on a amené le corps du Seigneur. Et en plus, pire encore, on va arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit finit sur lui. Le Saint-Esprit finit sur lui par retraite. Quelqu'un dit, vous dites, c'est quoi? Il dit non. Il y a l'autre là-bas dans l'Ancien Testament qui était allé en retraite. Observez, suivez votre Bible. Même sous l'Ancienne Alliance. Même sous l'Ancienne Alliance, quelqu'un ne partait pas en retraite. Ne confondons pas les vœux de Nazéria et autres là-bas. 30 ans, on devait entrer en service. 50 ans, on s'en ce n'est pas ça, c'est c'est autre chose. Autrement dit, ils entrent en fonction comme chez les fonctionnaires. On n'a pas 32 ans pour entrer. Après, quand on soit à 60 ans, 66 ans, il faut qu'on soit en retraite. Quelqu'un en retraite, pasteur, en retraite. Entre temps, il est là pour ça. Le Saint-Esprit toujours, le Saint-Esprit a vieilli. Non, mais c'est grave. Nous sommes allés les rire. Les choses que le Saint-Esprit va les dénoncer, ce sont les choses sur lesquelles on doit se repentir. On doit se repentir. En fait, on doit se repentir. D'accord, bien-aimé? On doit se repentir. Voilà donc les choses donc, qui meublent la scène religieuse maintenant. Et donc, on a tourné le nom de Jésus en ridicule. Par conséquent, tu vas voir, quelqu'un qui a souffert du Seigneur va voir, si vous êtes vraiment du Seigneur, vous allez rester quelque part, vous dites, comment mon frère peut souffrir comme ça, il ne peut pas prier pour la personne mange. Vous voulez vous aventurer comme ça. Le séquel de l'incrédulité qui t'a contaminé le plus refait surface là-bas. Dis que prends ta Bible un peu, va à l'hôpital, tu m'avais prié pour les malades. Ah, il n'y a pas de problème. De chez toi jusqu'à l'entrée de l'hôpital, il n'y a pas de problème. C'est à l'hôpital que tu vas voir qu'il y a un problème. Absolument. Marche un peu à route, vois un fou qui en est parlé aux gens. Dis au moins que ah, il y a un fou dans la Bible, qu'on parle comme ça là. Avance vers le fou et parle. Tu vas courir avec ta Bible là maintenant. Oh frère, lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, c'est différent. C'est vraiment, vraiment différent. C'est pour ça que l'Église doit être revêtue de la puissance d'en haut. Dans Romains au chapitre 8, dans le verset 19, dont nous l'avons cité également là-bas, il dit la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation, d'autres versets de la révélation des fils de Dieu. Alors maintenant, l'une des fois dans l'assemblée, nous avons rectifié les titres dont on parle de ces versets, parce que les gens ont pris ça pour détourner, pour envoyer les gens dans la politique, dans le monde, pour qu'on voit leur manifestation. On n'a pas dit les politiciens doivent voir la manifestation des fils de Dieu. On a dit que la création tout entière. Si tu es au pouvoir, le planter ne voit pas ta manifestation. Le crabe ne voit pas ta manifestation. On dit que la terre elle-même souffre avec tout ce qu'elle enferme, désirant participer à la révélation des fils de Dieu, à la délivrance des fils de Dieu. Donc autrement dit, on veut parler de la rédemption là. On veut parler de la manifestation de la puissance, pas des positions stratégiques, géographiques et politiques. C'est ce que ma Bible dit. Or, l'époque que nous vivons, c'est l'époque de ces versets. C'est n'est-ce pas bien aimé? Donc il y a tellement de promesses. Et si nous rentrons dans l'Ancien Testament, comme nous sommes rentrés la dernière fois, nous avons lu dans le livre des Juges au chapitre 6, parlant des Gédéons. Juges au chapitre 6, sous les apparitions verset 11, verset 14, on dit plus vient l'ange de l'Éternel. Et Gédéon est en train de battre le froment pour le mettre à l'abri des Madians. Et nous avons expliqué également le contexte de ce qui s'est passé. Parce qu'Israël s'était écarté de la voie de Dieu à chaque fois. Depuis Shamgar, en passant par Oniel là-bas, et Déborah et Osisir, Dieu a suscité des gens pour les délivrer plus tard quand ils ont crié à Dieu. Et nous sommes arrivés à Gédéon. Avant Gédéon, les gens ont crié. Israël s'était encore détourné pour s'attacher à Baal et autres. En fait, si vous lisez dans Juges chapitre 6, Vous avez remarqué que son père même a dans sa maison même un pieu, un hôtel pour Baal. Mais c'est terrible chez un Israélien. Alors, Dieu a livré Israël entre les mains des Madians. Dieu a livré Israël, son peuple, entre les mains des Madians, des Philistins, d'Amalek. Alors, je vous avais dit la dernière fois, selon ce que la Bible dit, eux, ils ne se tapaient pas le corps. Ils restaient, vous sénez le maïs. Il n'y a pas de problème, vous arrosez, il n'y a pas de problème. Quand à la récolte, ils viennent prendre la main que donne-moi ça ici. Dieu avait livré son peuple entre les mains de ces personnes qui étaient des impies. Alors, un de ces jours, Gédéon était là. Quand le temps de Dieu était arrivé. Quand le temps de Dieu était arrivé. Les six convois se passaient chaque fois comme Madame devait toujours faire. Comme Madame devait faire, mais un moment donné, quand le temps de Dieu devait arriver. Il battait encore. Subitement, il a vu cet ange-là s'était tenu là-bas. Vous savez, c'était Jésus-là, n'est-ce pas? Il s'est tenu là-bas. Il dit que va un héros. Va avec cette force délivre Israël. Dieu, le temps de Dieu était arrivé. Et remarquez très bien, ce que je vous ai dit par rapport aux circonstances. Quand Dieu lui a parlé que va délivrer, il dit que moi, je suis moi qui suis ici dehors. Mes parents sont qui? Je n'ai même pas le diplôme de théologie. On va me dire quoi? Il pourrait dire le à la place de là. Et voici comme ça, il va aller faire comme quoi. Alléluia. Amen. Pourtant, pendant qu'il fait comme ça, quand Dieu vient lui parler dans le champ comme ça, là, il y a les sacrificateurs là. Il y a les livres. Il ne passe pas par eux. C'est un signe pour mon Dieu. Il dit que je suis mon père et le plus petit, ma famille le plus petit de Manassé. Lisez un peu 1 Samuel chapitre 2, verset 5 à 8 pour voir ce qu'il dit des pauvres. C'est parce qu'à cause de la pauvreté spirituelle que Dieu peut se révéler facilement. Lorsque tu es tellement sage que tu dis que non, je peux manier la parole, je te pense que tu es en bruit. Alors c'est que tu as appris la preuve du Saint-Esprit. Dieu cherche des cœurs humbles, tendres, brisés, l'esprit angoissé par rapport à la soif du royaume pour se révéler. C'est ça. Bienvenue encore, bienvenue, frère. Bienvenue. Souvenez-vous, quel qu'en soit ce que nous sommes en train de traverser, il y a une époque glorieuse qui est en train de venir devant de nous. Nous serons participants de cette nature céleste dont les apôtres en ont eu. Nous allons vivre de la puissance et l'autorité de Dieu de façon indélébile. Ça va fonctionner sur les croyants de telle sorte que on va regarder les gens comme ça. Les gens vont tomber en agonie, priant pour leurs péchés. Alléluia. Amen. Des choses terribles sont en train d'arriver. Mais avant cela, le ciel du Cameroun va s'ouvrir. Mais avant cela, il faut que Dieu fasse pleurer le peuple. Nous sommes vendredi le 7 mars 2014. Avant cela, avant cette période, on ne peut pas rester comme ça là. On prêche aux gens, repentez, vous dites, repentez. Nous commençons à un pays de paix, un îlot de paix. Vous parlez de paix. Il faut que mon Dieu secoue. Parce que c'est au temps de la détresse qu'il criait à l'Éternel, l'Éternel est délivrant. Il faut qu'il y ait détresse. Avant cette époque de gloire, avant cette époque de gloire, des grandes grâces sur l'Église, le pays doit être secoué. Avant. Ça ne peut pas se passer avant. D'accord? Avant cette époque dont nous sommes de parler, cette grande puissante visitation du Saint-Esprit sur les croyants de ces pays qui vont engendrer, dont nous le croyons, donc de l'extérieur dans la sous-région, avant ça, il faut que le pays soit secoué. Avant. Parce que c'est dans la détresse qui se réveille. Et heureux donc. Et heureux donc le président qui pourra être en cette époque. Heureux. Parce que les ministres désormais vont servir Jésus-Christ. Ils vont servir Jésus-Christ. L'heure arrive dans le pays où ce ne serait pas une contestation, où ce ne serait pas une négociation de dire donne-moi l'autorisation pour prêcher, parce que les gens sauraient, tu seras très bien. Tu es temps de toucher ce genre de peuple-ci. La rétribution vient du haut du ciel rapidement. La cinquième ministre de l'Éternel est en préparation. Dieu est en train de préparer comme la mère pour couvrir ses enfants, quoi, ses yeux, comme ça, à un moment donné, fait part et c'est autre. Cette cinquième ministre-ci. Le moment arrive, bien aimé, souvenez-vous de ceci, c'est enregistré. Le moment arrive sur ce pays où les gens vont démissionner des fonctions séculières pour servir Dieu, de leur propre gré. Parce que maintenant, quand on dit à quelqu'un que tu peux quitter ton poste servir Dieu, enfin, c'est l'homme qui dit comme ça. Quand c'est le Saint-Esprit qui va te dire, tu ne pourras plus travailler. Alors, les choses que tu regardais comme des choses de gain, tu vas regarder comme la boue. Les versets bibliques vont commencer à bien résonner et tu vas comprendre ce que l'autre pouvait dire dans sa parole. Quand l'apôtre Paul disait, mais comment quelqu'un qui gagne son pain continue à partir d'ici? Remarquez très bien, quand tu dis à quelqu'un que, comme mes amis me rencontrent, ils disent, mais attends, tu as fréquenté comme ça, tu es quoi? Oui, prêche la parole de Dieu. Oui, en dehors de ça, tu fais quoi? On s'attend à ce que tu dis que je suis un colonel, je suis un capitaine. Non, je suis un simple prédicateur. Alors, il y a une question qui existe automatiquement. Mais tu vis comment? La première manière que si tu me rencontres aujourd'hui, c'est que je vis. Absolument. Alléluia. Si tu me rencontres aujourd'hui, je vis. Frère, c'est parce qu'on n'est pas à son poste. Dieu a promis que si c'est lui qui t'appelle, il va s'en charger. Si c'est lui qui s'appelle. Alors quand les gens s'appellent, ils se donnent des formations, ils se donnent des titres, il y a ce qu'on appelle les cartes de visite. Vous savez, comme le docteur, c'est carte de visite, sur les problèmes, tu m'appelles à l'hôpital, ou bien le juge, ou bien le magistrat, l'avocat. Le pasteur, ça part. Il est dans son bureau, le ministre, pasteur, révérend pasteur, tel fondateur et de telles choses. Donc, c'est Jésus-Christ là maintenant. Donc, au général, on va, c'est le général qui lui envoie. Il donne les ordres à ceux qui. Frère, on doit se repentir. Toutes ces choses, tous ces points qu'on a touchés, on va développer dans les Écritures pour que vous voyez le mal que ça engendre. Alors, qu'est-ce que les gens vont faire quand tu n'es pas appelé à son poste? Il faut que vous trouviez des techniques, des moyens pour que les gens sur qui vous dominez vous nourrissent. Alors, on va dans instituer les dîmes et les offrandes, dîmes prophétiques, dîmes ceci, les enveloppes. Vous savez ces enveloppes-là. On donne les enveloppes, on dit que non, il faut donner exactement à la personne qui t'énonce la parole. Alors, si vous grattez, n'allez pas donner la mauvaise tête, ça ne va pas pousser. C'est ici. C'est ici, c'est moi qui vous nourris, non? Amen. Mais mon Hébreu chapitre 13, verset 10 dit ceci. Nous avons un temple dans lequel ceux qui font le service n'ont pas le droit de manger. Nous avons un autre temple. Ceux dans la salle alliance devaient manger les choses qui sont consacrées là-bas. Chez nous, ici, il n'y a pas ça. Le juste, quelqu'un dit le juste vivra par la foi. Oui, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui appelle, il va pouvoir. Amen. L'apôtre Pierre était quelque part pendant qu'on lui prépara à manger, il était sur le toit. Quelqu'un n'est pas sorti, il dit tu fais quoi? Je dis allez, va pêcher, tu sais, voilà la mer là-bas à côté. Souvenez-vous, la maison de Simon, le corail, a été conclue à la mer. Il n'est pas allé là-bas pêcher. Il n'est pas bon que nous laissions la parole de Dieu pour s'occuper à la table. Il n'est pas bon. Alors, choisissez parmi vous ceux qui vont faire cela. Nous nous consacrons à la parole et à la prière. Amen. Il y a des gens qui sont appelés de cette façon-ci. J'ai dit, si les gens se sont faits de cette façon-ci, ils auront des problèmes. Parce que non seulement la parole va les dénoncer, eux, ils vont fuir pour ne plus lire. Ils ne pourront pas prier, ils vont voir le match de Cameroun, le match de Bassa et autres là-bas. Après, venir bavarder, ouvrir les anciens livres de théologie, prêcher à l'église. Alors, le peuple, c'est le peuple qui s'assoit et dort. Ils aiment les histoires, qu'on leur raconte les histoires. Non, non. La Bible déclare qu'on doit veiller et prier en tout temps. Pour qu'on veille et prie, il faut qu'il y ait l'âme, le carburant. Si vous branchez votre portable sur un secteur, un courant de secteur, vous allez comprendre comment la batterie continue à fonctionner. Vous enlevez, ça s'arrête. On doit être connecté chaque fois à la source pour nous charger, pour être à même de résister aux tests de tension, coupe la lumière, pour longtemps. C'est ça, n'est-ce pas bien aimé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus qui se trouvant dehors dans ses apôtres, j'ai trouvé de trois. Et bien, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, Jésus-Christ en train de prier, en train de crier pour savoir si oui, quelqu'un peut être sage d'après lui pour l'accepter qu'il entre et prend possession de l'église. C'est pas bien lui. Alors nous avons dit la dernière fois quand nous avons prié ici, nous avons dit Seigneur, nous avons entendu ta voix. Nous ouvrons afin que nous entrions. Et il a dit dans toutes ces successions de versets, nous avons lu depuis le verset 14 du Apocalypse chapitre 3 jusqu'au verset 20 là, il a dénoncé beaucoup de choses. On a vu clairement comment l'église se disait et donnait son appréciation à elle, de notre époque, et je te dis comme parce que tu ne sais pas. Donc l'église est ignorante par rapport à son état. Amen. L'église est ignorante par rapport à son état, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas. La nudité, le péché a tellement aveuglé l'église de notre époque qu'on ne connaît pas qu'on a dans le péché. Voilà pourquoi, donc, quand tu prêches contre le péché, les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal. S'il prend la joue, il n'y a pas de mal. C'est l'aveuglement. Alors, si Dieu ouvre ses yeux, il est collé là, si tout ses yeux va comme ça, là, vous allez voir comment quelqu'un va fuir comme ça, comme un bandit qui a été suppli par la lumière. Le pasteur défile les cheveux. Vous voyez l'autre, il tend le pasteur lui-même, un homme, tend le doigt comme ça. Vous voyez, un endroit est rouge, l'autre est noir. Après, il prêche, il dit qu'il faut qu'on voit la gloire de Dieu. D'autres pasteurs, même le noir. Le noir, c'est que les femmes mettent à l'œil là. Même pour les femmes, c'est grave d'avoir. Pour lui, encore, c'est terrible. C'est grave, mais bien aimé. Il faut qu'on se réponde. Alors, quel air est-il maintenant? Donc, ayant donc usé de la convenance réciproque, c'est-à-dire que les usages normaux de la bienséance, puisqu'on s'est salué les uns les autres, on s'est dit bonsoir, donc maintenant, on est dans le contexte, maintenant, on peut bien travailler ce soir. N'est-ce pas, bien aimé? Ok. Quel air est-il? Est-ce qu'on peut commencer maintenant? On peut avancer là où on s'est arrêté la dernière fois. Souvenez-vous, gardez-vous à l'esprit que nous nous réunissons pour nous repentir de toutes mauvaises œuvres que nous avons fait entrer dans l'église. Pas et nous, c'est parce que nous sommes responsables aussi. Parce que d'une façon ou d'une autre, nous sommes partis du même corps. Si les autres ne se réveillent pas, il faut qu'on prenne la décision de le faire. Et personne, comme je l'ai dit là-bas, personne ne peut réveiller une autre personne sans être réveillé. tu ne peux pas entrer dans le domaine en disant que lève-toi. Si tu dis lève-toi, c'est comme tu ne dors pas. Ça c'est clair, n'est-ce pas? Ok. Ok, ça, donc, ça veut dire donc ceci. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. N'est-ce pas? Que votre lumière luise parmi les hommes. Si tu es la lumière du monde, il faut que ça se voit d'abord. Alors si tu n'as pas la lumière, n'est pas à illuminer les gens, c'est que tu as mis les temps ténébrés. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse vraiment attention. Plusieurs personnes prêchent le salut sans savoir de quoi il est question. Plusieurs personnes prêchent, il faut être se repentir, il faut se sauver, être sauvé. Ils ne sont pas eux-mêmes sauvés. Alors la Bible déclare que, oh, premièrement, la poutre qui est dans ton œil, alors tu pourras voir la paille. Dieu veut dire qu'en fait, chaque fois quand tu veux accuser quelqu'un, le plus grand se trouve de ton côté. Il est hypocrite. Comment peux-tu dire à ton prochain, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil. La paille, regardez la paille. Est-ce qu'on appelle poutre? Regardez, c'est ici dans ton œil. La paille, c'est ce qui est sur la branche. Elle dit, c'est l'œil de ton prochain. Tu dis que laisse-moi enlever ça, que l'autre aussi est dans ton œil. La poutre, regardez la poutre. Regarde ta poutre. On dit que la poutre est dans ça. Ça se trouve dans ton œil. Tu laisses ça, tu vas dire que laisse-moi enlever ça. La paille, en fait, ça quitte. Toi, tu as la poutre. Si c'est ça dans ton œil, frère, c'est grave, pas vrai? Alors, Dieu dit donc dit que fais l'effort, tu enlèves d'abord ceci. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 2, il dit, toi qui dis, tu prêches qu'il ne dérobe pas, tu dérobes. Tu dis qu'il ne commet pas adultère, tu commets l'adultère. Tout ça, on doit voir ça ce soir. Si Dieu le permet. Donc, on a tout le temps, jusqu'au matin. Et ça me surprend que, en 30 minutes, je ne sais pas si c'est en 30 minutes que j'ai parlé, des gens ont des visages comme ça, d'autres dorment. Ça me surprend. Je ne sais pas si peut continuer à traîner. Quand Dieu nous dispose du temps pour qu'on en parle, à l'assemblée, chaque fois, on ne peut pas parler parce qu'en moins de 2 minutes, vous savez, on ne peut pas prier, on ne peut pas ceci. C'est fatigué. C'est pour ça qu'il dit que vous avez tout le temps en journée. Vous rentrez du travail pour vous reposer jusqu'à venir très tard. Et on commence. Et si on vient donc, préparez-vous. Parce que c'est une seule année que Dieu a promis. Ce n'est pas des faiblards. C'est le bille de Dieu là. C'est le bille de Dieu. D'accord? On veut prier. On veut prier. Pourquoi on prie? Pourquoi on regarde dans la Bible ce qu'il en est? Avant cela, maintenant, je vais recommencer. Nous parlons du réveil. Nous sommes venus réveil, prendre conscience. Le réveil, c'est une prise de conscience. Si on doit prendre conscience par rapport à quelque chose, ça se pose que quelque chose nous a échappé. Ça peut ne pas nous avoir échappé directement, mais nous avons été induits dans ces choses-là. C'est-à-dire que des autres se sont enfuvés dans le faux et tu t'es retrouvé sans t'en rendre compte. Par exemple, ce qu'on appelle l'héritage de nos pères. Ça, cela va de soi. Et puis on trouve ça comme c'était normal parce que ça dure longtemps. Et souvenez-vous de ceci. Quel que soit le temps que le mensonge va mettre, Dieu va toujours revenir vers la vérité. Quel que soit le temps que ça va mettre. Est-ce que vous savez, c'est bien aimé? Il dit bien, quel que soit le temps, si on a incliné d'un côté de 4 degrés seulement par rapport à la parole, Dieu va continuer à fonctionner. Mais cette parole-là, on va seulement y rêver, revenir. Donc le fait que on a écarté la norme, qui est la parole de Dieu, et normalisé l'écart, maintenant, en mettant les traditions, c'est ça qui fonctionne. Dieu n'a pas dit que, okay, comme la majorité suit cela, mais ça ne se voit jamais. Il va revenir à l'état initial. Ça ne peut pas venir, il peut faire autrement, parce que rien n'est retourné à Dieu sans que ça vienne de lui. Et pour cela, il suscite toujours des gens. Donc, soyons heureux et reconnaissants devant le Seigneur du fait qu'il nous a élus en cette fin de temps, nous a donné la grâce pour que nous communions qu'il faut qu'on se répande pour se préparer à sa venue. Rendons grâce d'abord au Seigneur pour cela. Alors, il dit bien, rendons grâce au Seigneur du fait qu'il a réveillé notre esprit comme il a réveillé l'esprit de Zorobabel, fils de Satiel, et de Josué, le fils du souverain sacrificateur Josadac, afin qu'il se réveille et tout le gouverneur là, et puis tout le peuple pour bâtir le temple de l'Éternel. C'est un contexte exactement comme celui de Agé. Parce que je vous dis quelque chose, c'est qu'il y a des descendants, peut-être je dis comme ça, c'est comme les chemins. Je vais dire et redire de façon tellement claire. Le Saint-Esprit va descendre dans son église et en prendre la possession. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui va marcher au milieu de son peuple. De telle enseigne que quelqu'un ne dira plus à l'autre personne que fais ceci, tu fais mal. Parce que si quelqu'un va faire boum, il tombe près de mort. On va craindre Dieu ici. On va craindre Dieu. Les pasteurs vont démissionner. Quand les gens vont entendre que boum, tel qui était notre associé est mort, on va dire que mon gars, je suis pasteur. Parce qu'ils savent d'où ils sont sortis. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible est claire. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'élève de l'iniquité. C'est pas possible que les gens partent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a disparu au milieu de l'église. C'est la preuve. Les gens partent au Bénin, prennent la magie. Dieu au milieu de la Seigneur, prennent de Jésus-Christ. Ils utilisent la magie pour faire tomber les gens. Le Saint-Esprit reste tranquille. Il ne fait rien. Il dit, le moment est arrivé où il va sanctionner. Les magiciens vont se chercher. Les résolutions avant quelqu'un, un journaliste me dit Jésus-Christ, il va mesurer ça bien. Ça, la bouche de quelqu'un va se tordre en plein écran. Alors on va savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Le parrain dit Jésus-Christ est Seigneur. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Qui est Jésus-Christ? Tout le monde prononce. Même Satan prononce aujourd'hui. Les musulmans prononcent. Les égyptiens prononcent. Tout, c'est, Jésus est devenu le football maintenant des débats. Mais la Bible déclare sainteté à l'Éternel. On dit quiconque prononce son nom qui sera l'iniquité. On a pris, remarquez ce qui arrive. Pour voir des cas des églises réveillées, on dit que quelqu'un est mort, on a mis dans la maison parce que Dieu lui aurait dit que sa femme va ressusciter. Il ne ressuscite pas, elle commence à sentir plutôt le quelqu'un. Alors on prend ça pour tourner en dérision ceux qui disent quoi à ce Dieu-là. Notre Dieu arrive. Notre Dieu arrive et la rétribution est avec lui. Il prendra certainement possession de son église. Donc c'est un avertissement pour ceux qui ne le servent pas en vérité. Si vous avez le cœur pour lui, parmi par le servir, attachez-vous à votre amour pour lui. Il va se manifester. Il connaît toutes choses, il sait toutes choses de notre cœur. Nous ne pouvons pas le cacher. Mais si nous sommes des usurpateurs, il est temps qu'on quitte avant qu'il ne frappe. Parce que l'église de Dieu est saint, le peuple de Dieu est saint. Donc il faut une nette séparation entre nous et le monde. D'accord, bien-aimé? Donc la dernière fois, nous avons défini le réveil. Et je vous ai dit que le réveil, chaque époque de réveil, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, dans l'histoire de l'église, chaque réveil qui a eu lieu, sous l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance et dans l'histoire de l'Église, chaque réveil qui a eu lieu est toujours précédé par des époques, par des moments d'assoupissement. Vous savez, d'assoupissement. C'est-à-dire que quelqu'un a dormi, quelqu'un a baissé la garde, d'abandon de la voie de Dieu. On a glissé un peu. Alors là, la plus grave, c'est que le monde entre dans cette histoire de Dieu, dans le peuple de Dieu, au sein du peuple de Dieu. Si ce n'est pas le monde, c'est l'idolâtrie. On commence à servir d'autres dieux. On ne voit pas le mal à cela. Le fait que la présence de Dieu quitte, l'être humain ne voit pas le mal à cela. Parce que quand le Saint-Esprit est lié à notre cœur, on commence à sentir ce que Dieu ressent. Le péché est péché. On commence à fuir le péché parce que Dieu est le péché. Alors quand on commence à se familiariser avec le péché, il y a un problème entre nous et Dieu. On a été déconnecté. Donc si on ne voit pas le mal quand il y a le péché, alors il y a un problème, frère Sam. Il y a un problème, mon frère. D'accord? Si on ne voit pas le mal au péché, il y a un problème. Alors on a été déconnecté. Parce que nous devons voir le péché comme Dieu lui voit le péché. Nous devons appeler péché ce que Dieu a appelé péché, mal ce que Dieu a appelé mal, saint ce qu'il a appelé saint. Voilà le but pour lequel les sacrificateurs étaient donnés. Pour qu'on enseigne à distinguer ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est sacré de ce qui est profane. Aujourd'hui, on appelle les choses profanes. Quelqu'un, une prostituée appelle l'onction pour qu'un pasteur prie dessus pour que son marché marche bien. Le pasteur prie en criant au nom de Jésus. Un bien-aimé. C'est-à-dire que, au nom de Jésus-Christ, bénis le travail de cet homme. Il veut par là dire que, Seigneur Jésus-Christ, fait que beaucoup de personnes viennent se prostituer à cet homme. Après, il donne l'argent, le salaire de la prostitution. Ah, mon Dieu, ce n'est pas lui. Donc, il faut qu'on se répande. Le temps des réveils, pour qu'il y ait réveil, il faut qu'au préalable, qu'il y ait l'abandon de voix. Parce que le réveil, en fait, c'est le retour à la parole. C'est le retour aux voix de Dieu. Et pour cela, on ne peut pas retourner à la voix de Dieu sans savoir là où on est tombé. Il faut qu'on regarde toujours là où on est tombé. Ce qui est arrivé. Et quand nous nous retrouvons à la fin des temps, il se pourrait qu'il y ait plusieurs choses. Parce que le Seigneur avait prophétisé que notre époque serait une époque de grande apostasie. Mais l'apostasie va. Et souvenez-vous, lorsqu'il y a une révolution dans le monde, chaque fois l'église est toujours infectée. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on vit, l'église vit au milieu du monde. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que l'église et le monde fassent les parties des plaisirs. Dieu s'attend à ce qu'il y ait une ligne de démarcation entre son église et le monde. Quelqu'un redit cela. Dieu s'attend à ce qu'il y ait une ligne de démarcation, ligne de séparation, une frontière, des bornes, des limites infranchissables entre son église et le monde. Dieu s'attend à cela. C'est ce que Dieu dit. Il a dit, je suis saint, vous serez saint. Point de citation. Vous êtes mon peuple, je suis saint. Autrement dit, ma nature c'est la sainteté, votre nature doit être la sainteté. Votre nature doit être la sainteté. Soyez saint dans toute votre conduite. Que tu sois dans le bureau, n'importe où, n'importe où, dans ton champ, tu dois être saint dans ta conduite. Si tu vas dans ton champ, il y a la bonne, si tu dis, la personne n'est pas là. Tu creuses pas, c'est church. C'est tout dans la Bible que malheur à celui qui déplace des bornes. Soyez saint dans toute votre conduite. Toute. Dieu a dit toute. Donc, si vous n'avez pas que tu puisses avoir, quelle que soit la conduite, conduite, ça veut dire marche. Votre démarche, votre façon d'agir sur la terre, soyez saint. C'est autrement dit, que votre façon de marcher sur la terre soit la manière de Dieu. Dans cet Éphésiens chapitre 5, il dit que comme les enfants bien-aimés, soyez les imitateurs de Dieu. N'est-ce pas? Donc, il faut que la nature de Dieu soit dans l'église. Et maintenant, Dieu a choisi l'église pour se manifester. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 5, il dit afin que les dominations dans les cieux connaissent au travers de l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, Dieu veut déployer. Bien-aimés, regardons encore ça. Éphésiens chapitre 3, verset 10, il dit que afin que. Il dit, remarquez, il a cité une panoplie de choses là-bas, la puissance. L'apôtre Paul, la révélation était immense là-bas. Je lis ceci. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, la révélation était immense. La révélation était profonde. L'apôtre Paul a voulu développer, ça ne le laissait pas tranquille. Ça ne le laissait pas tranquille. Il développait avec des virgules. Vous commencez là-bas, vous ne pouvez pas arrêter. Il dit afin que les dominations, il dit tout ce qu'on a fait là-bas, il a déployé en Christ. Alors, c'est en citant le Saint-Esprit, la puissance qui est là-bas. C'est pourquoi nous combattons. N'est-ce pas bien aimé? Lise ça, frère. Oui, lis à haute voix. À haute voix. Éphésiens chapitre 3. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Oui. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Oui. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui. Vous étiez morts par vos offenses. Bon, après, je peux m'arrêter au verset 23. Voilà. Il a déployé en le ressuscitant entre les morts. Vous voyez ça? Il dit qu'afin que les dominations, le but de tout cela, c'est que afin que les dominations dans les lieux célestes. Quand il parle des dominations, vous savez que dans ce Éphésiens chapitre 2, verset 2, là, il parle des princes de ce monde dans les lieux célestes, ainsi de suite. Il dit qu'au travers de l'Église, Dieu veut montrer la puissance, au travers, la sagesse de Dieu. Pour qu'en regardant dans les lieux célestes, ils sont confondus. Mais les êtres humains qui sont sur la terre sont devenus plus puissants que les démons. C'est au travers de l'Église. Et voici l'Église qui est ferme sur la terre. L'Église, la partie visible de l'Église, c'est la branche terrestre de l'armée du Seigneur. C'est la branche visible de l'armée du Seigneur. Il y a deux branches. Il y a la branche invisible, par les anges. Il y a la branche visible de l'Église. L'armée du Seigneur. Alors, maintenant, si nous sommes des veilleurs, quand nous sommes dans l'armée, et qu'on doit garder les banques et autres là-bas, si un militaire a regardé la banque, quand nous gardons maintenant cette nuit-ci, chacun lève son arme, on voit. Voilà, vous avez votre arme. Voici le frère Ferrand. Là, c'est l'entrée principale de la banque où on passe pour aller prendre l'argent. Le frère Ferrand est ici, il dépose lui son arme ici, il met sa tête, il dort. Frère, qu'est-ce que le bandit va faire? Il prend son arme en montant, lui. Il prend son arme et mort. Alors, si nous sommes armés, nous sommes prendre seulement. L'exemple que vous voyez, c'est qu'on doit faire. Nous devons veiller. C'est comme nous sommes en train de regarder qui est devant. Je ne sais pas si vous pouvez parvenir à percevoir cela. Si nous savons que ces choses-là, on devait languir pour que ces choses-là arrivent sans tarder. Parce que c'est une grâce. Souvenez-vous, vous avez les membres de vos familles qui sont fous. Vous avez les membres de vos familles qui sont malades. Il faut que ces choses arrivent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quand vous voyez, vous aimez dire, Seigneur, donne-moi le travail pour qu'on voit la gloire. C'est pas ça. C'est pas ça. Fais que je mange, je suis dans la merde pour qu'on voit que tu es le Dieu qui vit. Si tu ne manges pas, il vit toujours. Si tu ne manges pas, il vit. Il ne nous a pas appelé pour le manger, pour voir. Il y a des malades, je vous ai dit la dernière fois, il y a des malades dans le Cameroun que même si on fait n'importe comment, ils ne vont pas guérir parce que Dieu attend ce temps-là pour les guérir. C'est pour ça qu'il y a des terribles maladies qui sont suspectées maintenant. Des gens, je vous dis, les médecins vont servir Jésus, je vous le dis dans ce pays. Des ministres de santé vont servir le Seigneur Jésus-Christ à cause de ce qui va se passer. Je vous le dis. Alors, non, je suis évident qu'il y a dans nos pays, dans chacune de nos familles, des gens qui souffrent, des gens qui sont liés dans le satanisme, des villages entiers qui sont dans l'occultisme. Juste parce que les gens ont déménagé des villages. Pas vrai? Vous pensez que vous pouvez aller là-dedans avec sans ou Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit? Parce que c'est la puissance là. Alors, ça veut dire que sachant toutes ces choses et ces choses qui arrivent dans notre famille, nous avons intérêt à prier. Parce que maintenant, si, imaginez tout simplement, je crois que nous sommes dans plusieurs régions du Cameroun différentes ici. Si le Saint-Esprit là descend et ça touche chacun, et le Saint-Esprit maintenant qu'aller dans vos villages. Si je dis allez, je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il n'ai pas fait quoi. Quand il dit allez, il prend mon pied, commence à partir. Parce que je sais assez de ce qu'il a dit dans la parole. Quand il dit allez, ça veut dire qu'il va faire quelque chose. Alors dans chacun des villages que nous sommes ici, supposons que nous sommes 300 villages ici. Nous, ça fait un an dans le village. Il le réveille dans 300 villages. Vous voyez quel boom ça peut causer, frère. Mm-hmm. C'est pour ça que nous avons intérêt à chercher sa face. Amen. Mm-hmm. Dans cette époque de réveil, est toujours considéré par un assouplissement spirituel généralisé, répandu. Mais les gens, le problème, c'est que les gens ne voient pas de mal à cela. Les gens continuent à faire leur crainte inconditionnelle parce que les rituels sont établis, préétablis. On peut venir au culte, on sait ce qui va se passer et les gens ne voient pas de mal à cela. On dispose de tels choix, il y a le moment des offrandes, le moment des dîmes, le moment des prophéties. Parce que quand quelqu'un se lève sur le moment des prophéties, on sait qu'il va prophétiser. C'est ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Et la Bible ne dit pas cela. La dernière fois, nous avons lu comme l'apôtre Pierre est entré quelque part, on a demandé le corps. Pourtant, le Saint-Esprit l'a envoyé. Il est entré là-bas, le corps lui demande que, dis-nous c'est pourquoi tu nous as fait venir. Et l'apôtre Pierre lui dit que, dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Il lui explique ce qui est arrivé, il dit que, dis-moi aussi ce qu'il t'a dit que tu dis. Et la personne qui doit être sauvée, et la personne qui va prêcher pour qu'on soit sauvé, personne ne connaissait ce qu'il fallait dire. Il a ouvert la bouche, il dit, je reconnais que dans toute nation, toute personne qui craint Dieu est avec lui. Il a commencé pendant qu'il a réglé le problème, Dieu est descendu. N'est-ce pas, bien-aimé? Quelqu'un dit guidé par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Quand c'est descendu sur lui, il était surpris. La prédication s'est arrêtée. Donc Dieu a donné le début de la prédication, il a donné la fin. Quand c'est arrivé comme ça, il n'a pas dit menacer les offrandes, donner l'offrande de la conversion. Frère, il n'a pas dit donner l'offrande de la conversion. Oui, parce que c'était la prédication. N'est-ce pas? Parce que toute la Bible déclare qu'on avait amené tous ses proches et ses amis, tous dans la maison. On est assis ici. Alors maintenant, nous aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est que un prédicateur prêche au deuil, il faut qu'il y ait les offrandes de la... Il dit, je recommence. Un prédicateur prêche au deuil, dans les deuils, il faut qu'on donne les offrandes de la prédication. Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas? S'il prêche à l'anniversaire, il faut l'offrande de l'anniversaire. Si c'est un prophète qui l'a invité, il faut l'offrande du pro. Frère, d'où est-ce qu'on soit avec tout cela? Pour qu'il vienne prier pour ton malade à la maison, il faut que tu payes son carburant. Et il dit qu'il est serviteur de Dieu. Et ma Bible me dit, ma Bible à moi, me dit dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 42, il dit que vous savez que les nations les tyrannisent et les peuples dominent. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de vous. Que celui qui veut être le plus grand soit votre serviteur. Et celui qui veut être le premier soit l'esclave de tous. C'est ce que ma Bible enseigne. Ça, on va demander pardon pour tout cela. Les gens pensent que le serviteur de Dieu, ça veut dire que je suis à une position où personne ne peut, je suis intouchable. On ne sait pas que le serviteur de Dieu, c'est celui qui doit plutôt se rabaisser pour aller servir les gens. Parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu sers les gens. Tu es serviteur de Dieu. Si je prends ça, je donne un frère, je le sais, c'est moi qui suis en train de le servir. Si je dis que je suis serviteur de Dieu, il m'assoit là-bas, frère, je vais me rendre service, c'est lui qui a voulu me servir. Frère, on a changé la situation. Gardez-vous cette image de l'esprit, à l'esprit des bergers et des brebis. Le berger sort le matin, il prend le bâton. Il ouvre le truc, il connaît là où il y a le vrai pâturage. Il ouvre celui qui le conduit. Imaginez, vous imaginez un mouton en train de dire, ben je ne sais pas ici qu'il y a les herbes, ben je ne sais pas ici qu'il y a les herbes. Si vous sortez un jour avec les brebis disent comme ça, vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas dire que les brebis sont possédés, que les démons que Jésus a chaussés, c'est en tout cas les brebis, c'est pas si. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Jérémie chapitre 3, verset 15, et c'est pourquoi je leur donnerai les bergers selon mon cœur. Puisse Dieu nous donner en ce temps matin les bergers selon son cœur. S'il y a un moment où l'Église en a plus besoin, c'est maintenant. C'est-à-dire les gens qui sont désintéressés, les gens qui ne sont pas pour le gain. Il faut que Dieu nous donne des têtes bergers. Donc des gens qui sont là seulement pour la cause du Seigneur. Des gens dont leur vie ne fait plus aucun cas pour eux. Des gens qui n'ont plus de considération. C'est pour cela que vous entendez de telles choses. Même les propres gens qui se disent chrétiens, quand tu sers Dieu avec dévouement, ils vont te dire que tu vas rester là à prier chaque fois, la grâce sortie du ciel. Il faut aller travailler, les chrétiens. Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il y a là derrière. Ne crois pas que la main va sortir du ciel. Si Dieu a fait sortir la main du ciel, il peut sortir encore. Non seulement il a sorti la main du ciel. Un temps, il a sorti même le pain brisé avec la viande. Vrai ou frère? Autant où il y avait la famille, il a ordonné à un corbeau de porter la donner. Le corbeau, il n'a pas dit au corbeau, mange ta part, on allait partir. Le corbeau a porté la donner à Élie. Allez donner à Élie. C'est pour dire quoi? Quelles qu'en soient les difficultés qu'il puisse avoir, c'est quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Dieu dit clairement dans sa parole qu'il ferait un chemin là où il n'y en avait pas. C'est pas ce que la Bible déclare. Alors, s'il y a n'importe quoi qui peut bloquer par rapport à la manifestation de la providence de Dieu, c'est nous qui sommes infidèles à Dieu, pas lui. Lui, il est fidèle et juste pour accomplir sa parole. Il ne peut pas se méprendre parce qu'il est fidèle. D'accord, bien-aimé? Mais bon, on va chanter. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'implorer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour te prier. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour te louer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour te prier. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour te louer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là, et nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Père, nous sommes déjà là ce soir pour t'adorer, pour te célébrer, pour chercher ta face comme tu nous as invités. Ta sainte armée est réunie ce soir. Prête, Père de gloire, à en découdre, Seigneur, avec les ténèbres de notre époque, à en découdre avec l'apostasie, avec la négligence, avec, oh Dieu de gloire, la religiosité. Nous sommes là ce soir réunis, Père de gloire, pour chercher ta face en vue de ta direction par rapport à l'Église. Nous sommes, oh, ici, Seigneur Dieu de gloire, des singletons par rapport à l'Église. Nous sommes quelques membres seulement de la puissante armée que tu as sur le terre, sur cette terre. Nous sommes là, Seigneur, pour implorer ta miséricorde ce soir, que tu nous révèles tes voies. Que tu nous montres, Seigneur, ce qui ne va pas dans l'Église. Que tu nous montres, Seigneur, notre rôle à jouer. Ce que nous avons à faire. Nous prions ce soir, Père de gloire, que tu puisses, oh Dieu de gloire, te déverser au milieu de nous. Viens dans nos cœurs, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Père, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons, oh Dieu de gloire, que tu viennes dans nos cœurs et que tu fasses installer ta volonté parfaite dans notre cœur. Dirige nos vies, Père de gloire. Dirige cette soirée. Dirige ce moment, Père, pour ta gloire. Seigneur, donne-nous de comprendre, Seigneur, la gravité de l'époque et la gloire qui est devant nous. La venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour chercher son épouse. Donne-nous de nous consacrer sur les choses des meilleures. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de nous éloigner sur tout ce que tu appelles péché. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de sortir ici cette nuit-ci, à l'issue de cette nuit de prière, résolu encore de te servir dans la sainteté, dans la purité, et que notre marche soit encore plus au-devant de toi. Donne-nous, oh Dieu de gloire, que nous comprenons que chaque endroit de notre vie que nous t'élevions comme le péché, que nous annulons, Père de gloire. Donne-nous de marcher dans la sainteté, que nos voix soient la sainteté, nos conduits soient dans la sainteté, et que nous marchions hors du péché. Que nos lèvres profèrent seulement la grâce et non des mauvaises choses. Que nos paroles soient assaisonnées, Père de gloire, par ta grâce. Que nous prononçons seulement des oracles. Donne-nous d'être un peuple saint. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de porter le nom chrétien, pas en vain, mais dans la sainteté et l'honnêteté. Donne-nous, oh Dieu de gloire, que avant qu'on s'appelle chrétien désormais, qu'on mesure bien le prix qui est derrière ce nom. Que c'est un nom glorieux, c'est un nom puissant. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de marcher dans la sainteté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Père, et je te recommande ce peuple et tous ceux qui nous écoutent maintenant, Père, que tu touches nos cœurs et que tu montres à chacun, Père de gloire, dénonce la voix de chacun devant lui afin que cette personne se répande. Dénonce, Père de gloire, pour le pasteur. Dénonce leur Seigneur Dieu de gloire, tous ceux qui ont ajouté. Dénonce leurs théories et leurs théologies. Dénonce, oh Dieu de gloire, les fausses doctrines. Dénonce, oh Dieu de gloire, la marche dans l'ignorance. dénonce au Dieu de gloire la marche dans le maraboutisme, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Oui, Seigneur Dieu de gloire, les anciens de l'église qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans le concubinage, dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, dans la haine, Seigneur, dénonce leur œuvre et pousse-les à la repentance, Seigneur Dieu de gloire. Accorde la repentance à tes serviteurs, ceux qui sont tombés dans l'iniquité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, que tu réveilles ton âme ici au Cameroun. Réveille ton âme au Cameroun, Père de gloire. Et puisse le réveil vienne sur ton église. Oui, Seigneur Dieu de gloire, déverse ton esprit sur ton église dans ce pays, Père de gloire, afin que nous nous levions comme un seul homme pour te servir. Réveille notre esprit, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Alors maintenant, puisse le Saint-Esprit nous guider maintenant et afin que nous continuions comme il le veut. Ok. Le décompte étant planté, il est quel heure, bien-aimé? Pourquoi je surveille? Parce que si je sens que l'atmosphère est lourde, je vais arrêter. Quand je dis l'atmosphère est lourde, ça veut dire que si vous laissez séduire par le sommeil. 23h52. Donc si mon timer est descendu, il est parlé peut-être 7 heures de temps. Donc. Vous savez, quand on a deux heures de temps, trois heures de temps, on ne peut pas parler de ces choses, pas. Donc maintenant, on a plus de temps. Si vous n'aviez pas que ça à faire, on pourrait parler, prendre une pause à midi, continuer peut-être jusqu'à 20 heures. Ok, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, si vous le voulez bien, vous pouvez reculer votre chaise comme ça. Vous soyez mieux, peut-être à l'alignement de ceci, pas vrai? Une personne qui est sur cette chaise se lève, que cette femme qui est enceinte puisse s'asseoir parce qu'elle est mal assise là, c'est pas bien pour elle. Et les gens qui se cachent derrière les photos pour bien dormir. Donc la soeur qui est enceinte là, qu'elle puisse s'asseoir confortablement sur. Non, jusque-là, elle ne sera pas confortable. Il faut qu'elle soit seule à sa chaise. Quelqu'un vient s'asseoir ici. Celui qui va s'asseoir ici sera très bien. Parce qu'il y a de l'air ici. Il y a de l'air ici. Oui, on peut, vous êtes long là. Hein? Vous fuyez, venez ici tout juste là. Voilà. Voilà. Tu vois, ici, il y a des carrés. Si tu dors, après ça, on va te couper un peu. Tu auras du mal à aller là-bas. Mais là, depuis, il est habitué. Que laisse-le là-bas. Ma fille, prends ton petit ici. Venez ici. Ils vont dans l'obscurité parce que quand les yeux se ferment, on ne voit pas. Celle-ci, tout à l'heure, a arrêté ses yeux comme ça. Elle fait comme ça que je ne dors pas. Elle a poussé ses yeux que ça s'ouvre. Voici les moments que j'aime particulièrement. Partager la parole. Prends ta chaise, tu amènes ici devant. On peut une chose faire en tout ici, justement. Pas vrai? La dernière fois, nous avons également vu que ces jours-ci où nous vivons, nous avons vu que c'est le siècle où nous vivons, c'est un siècle d'occupation. Et nous avons vu dans la Bible que le royaume est semblable à. Dans ce livre de Luc, nous avons vu que quelqu'un a fait sa noce, il a invité, envoie ses invités à aller appeler les gens qui viennent à nos. L'autre, la Bible déclare que tous unanimement s'est mis à s'excuser. L'époque d'excuse c'est maintenant. Vous demandez à quelqu'un pourquoi on n'a pas dit cette histoire, c'est parce que. Nous, on ne pose pas des questions. Parce que tu poses la question à quelqu'un, il va te donner une excuse. Vous savez ça, n'est-ce pas? Frère, pourquoi tu n'étais pas là? Non, j'avais voyagé. Ou tu vas dire quoi? Pourquoi tu n'as pas pu être là? En fait, je voulais venir. Mais l'autre m'a appelé. En fait, je voulais. C'est le siècle d'excuses. Frère, ça me dira que le palais m'a touché depuis 3 semaines. C'est pour dire que dans 3 semaines, là, je ne pouvais même pas venir. Pas vrai, frère, ça. Donc, il y a l'excuse. Mais vous savez, je vais vous montrer quelque chose. C'est qu'Allemagne demain, souvenez-vous de ceci. Si quelque chose commence à se passer au milieu d'une pam, il n'y aura plus de place ici. Vous allez fermer la barrière. C'est quelqu'un m'a tort de faire là que nous voulons le niveau du Saint-Esprit. Alléluia. Or, il a dit dans Jérémie au chapitre 4 que défricher sur un champ nouveau. Vous savez, quand vous allez au champ, vous ne pouvez pas aller dans l'ancien et commencer à semer la semence. Non, on fait d'abord le chant, on se répand, on se répand, on sanctifie. Tu vois, on tourne la terre pour que l'ancien là se tourne, pour que la terre soit fraîche, que l'arrosée puisse entrer, l'oxygène puisse entrer dans la terre. Quand c'est comme ça, on dit qu'on a préparé la terre. C'est ce qu'on attend. On attend que Dieu déverse sa pluie. Il déverse la pluie maintenant. C'est ça. Il se défriche pour un champ nouveau. On se défriche un champ nouveau parce qu'il est prêt à faire quelque chose. Il veut déverser la pluie de la dernière saison. Donc, si nous avons des excuses, mais je vous dis seulement que préparez-vous seulement parce que le changement dans des vies sera rocambolesque, renversant. Il y a des gens qui vont démissionner de leur poste de fonction. Des gens qui vont décider maintenant que désormais, c'est le qui est dans le genre de la première. Parce que l'obtenu lui aura fait du bien. Tout ce qu'on fait là, c'est le maintien maintenant. On s'entraîne, comme les gens s'entraînent pour aller peut-être passer le test de football. C'est ce qu'on a même fait. Donc le moment arrive où là, sa sainteté, sa majesté va manifester sa magnificence dans l'église. Donc ce soir, est-ce qu'on peut continuer maintenant? On peut continuer? Ok. Ayant donc diagnostiqué que c'est clair et établi, en fait, ce qu'on l'admettait ou non, jusque hors de l'église, parce qu'il n'est pas à l'intérieur. Si c'était à l'intérieur, on verrait les mêmes choses se passer comme au temps des disciples. On a diagnostiqué. On a diagnostiqué également que c'est à cause de la richesse et de la mondanité qu'il a été dehors. Et parce que tu dis, je me suis enrichi. Donc, la richesse, comme il a dit dans les évangiles, il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume. Plus notre époque, c'est une époque des richesses, plus on sera difficilement, on percevra difficilement les choses de Dieu, les choses du royaume. Alors, lorsque cette soif des richesses s'est manifestée, une doctrine est sortie appelée la doctrine de la prospérité. Ça pousse donc les chrétiens à se fixer sur les objectifs sur cette terre-ci, à être les rois de sa vie, à vivre dans les grands palais sur cette terre-ci. Pourtant, la Bible déclare que notre espérance à nous, nous sommes en haut, nous cherchons les choses d'en haut. C'est là, n'est-ce pas? La Bible déclare que notre royaume à nous est à venir. La Bible ne nous a pas exhorté de régner ici. Nous allons régner vraiment sur cette terre, mais pas dans ces gouvernements, pas dans ces royaumes. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, c'est dit, la Bible déclare que vous savez que le siècle actuel est sous la puissance du malin. Dieu ne veut pas qu'on travaille sous le couvert du malin. Jésus, en quittant le monde, a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il a dit la même chose à ses disciples, vous n'êtes pas du monde. Comme je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous hait pour cela. Alors c'est ce monde qui est censé aider les chrétiens dont les prédicateurs d'aujourd'hui disent qu'il faut qu'on soit à nous. Et c'est ce genre de doctrine qui a amené l'église dans l'aveuglement. Le fait que l'église dit qu'elle est riche, nous avons la plus grande... Et regardez seulement la soif là derrière, là-bas dehors. Venez donner les offrandes, on veut construire le plus grand endroit, ce qui va construire beaucoup plus de personnes pour la gloire de Dieu. En fait, pour sa gloire, il veut construire son empire. 30 000 places, ça va être le plus grand, même le stade de Omnisport ne va pas atteindre cela. Un grand édifice. Dieu veut qu'on construise, Dieu veut construire son église, les êtres humains. Dieu ne construit pas avec des briques, il construit avec des pierres vivantes. Il ne construit pas avec des papiers dans les balles tirées. Non, des pierres vivantes. C'est-à-dire que des êtres humains transformés à l'image de Jésus. C'est ça. Voilà l'église du Seigneur. Et cette église du Seigneur, leur domicile est errant. Leur domicile est rempli sur des persécutions parce que le monde n'est pas digne d'eux. Alors, la doctrine de prospérité veut qu'on se tienne ici. Alors, il faut que maman passe ses 50 000 pour avoir 500 000. Que tu donnes l'engrais par la foi, tu vas avoir de l'argent, tu vas voir. D'autres essuient la chaussure de quelqu'un pour être riche. D'autres portent la veste pour avoir son onction. L'onction là, si on achète pour avoir, si c'est comme ça là, quelque chose ne va pas. L'onction naît du contact direct avec le Seigneur et par la suite de la sainteté, de la sanctification. Voilà pourquoi justement Dieu veut qu'on vive dans la sainteté. D'abord du péché, parce qu'il est prêt à se manifester, parce que c'est dans la sainteté qu'il se manifeste. Tant que l'Église demeurera sous l'emprise du péché, c'est ça que Satan fait tout pour injecter la mondanité, la richesse, les choses qui sont ses propriétés, qui sont ses... Comment je vais dire ça? C'est... Comme Jésus a dit dans 1 Jean chapitre 14, il dit que le prince de ce monde est arrivé, il n'a rien de lui en moi. Il veut qu'il y ait quelque chose de lui, une tâche de lui en nous, pour qu'il soit capable de prendre possession. Alors beaucoup de vagues, de choses sont venues au milieu de l'église, particulièrement venant de Toronto, plus récemment en 90 et 99, comme on a appelé la bénédiction de Toronto. Et donc ce sont les esprits sataniques qui se manifestent. On va voir, on va faire moi je travaille ici, un jour même deux heures de temps, je vais mettre les CD. Vous allez suivre ce qui se passe dans l'église, comment les gens les plus haut placés humainement parlant dans l'église sont tombés si bas. Alors que le démon se manifeste, vous n'avez pas besoin d'une côte pour savoir que c'est un démon, mais il dit que c'est le Saint-Esprit. Et ça a pris tout ce qu'on appelle l'église pentecôtiste. Ils appelaient ça les rires saints. Donc quelqu'un rit comme ça, il dit que c'est en train de rire. Des prédicateurs chevronnés, ils viennent vers toi, la semaine commence à rire. C'est tout le monde. Alors que l'apôtre se lève là-bas, il va seulement délivrer tous ces gens. Les démons sont entrés, prennent possession de l'église. Pendant ce temps, le pasteur qui conduisait cela a divorcé en plein séance. Prendre une monétrice qui était là-bas, l'épousait, elle prophétisait. Et Dieu était là. Ma Bible qui dit que le Seigneur aime le divorce. Combien de prédicateurs pour montrer qu'ils sont sous la coupe du diable divorcent les pasteurs. Ils divorcent, ils continuent à prêcher, ça ne dit rien à personne. Et la solution que le diable a mis dans la tête des gens de l'église maintenant, c'est que l'erreur est humaine. Qui peut vivre sans péché? Le pasteur lui-même, quand même, était un homme. Quand Dieu écrivait que l'évêque soit irréprochable, il écrivait comme ça aux esprits. Je pose la question. Quand Dieu a dit dans ce Tite et 1 Timothée là, que pour que quelqu'un arrive à la tâche de l'évêque là, il faut qu'il soit irréprochable là. Quand il disait ça, il dit si les esprits se marient, il dit que qu'il soit marié d'une seule femme, quelqu'un épouse, cherche une femme, il épouse deux. Il est disqualifié. La règle, la deuxième règle, le disqualifie. Des pasteurs qui ont les yeux beaucoup dorés, des tatouages partout. Je vais vous montrer. Et c'est sur ça que l'église du Cameroun de l'Afrique veut prendre modèle. Parce qu'ils croient que comme ils sont nombreux comme ça, c'est cela. Ma Bible me fait comprendre que l'âge est spacieux et la voix qui met la position. Plus je vais vous parler. La voix de la vie éternelle, c'est la voix de la sainteté. Dieu ne cherche pas quelque chose de difficile. Dieu, ce qui est difficile pour nous, c'est que ce qui s'attache à notre chair est plus sucré pour nous. Mais Dieu ne veut pas que ce soit sucré pour nous. Parce que la Bible est claire que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Citez ce que la chair aime, elle m'a montré, vous voyez très bien. Il dit l'envie. Oh, j'ai envie d'aller. Quand tu dis j'ai envie de, je veux le péché. Tu viens de pécher. Quand tu dis j'ai envie de, si tu n'aimes pas quoi par la suite, tu viens de pécher. Si la Bible déclare que l'envie c'est un péché. Alors tu as envie de prendre un coup de coup pour coûter la soif. C'est la chair ça. Parce que le Saint-Esprit ne voit pas le coup de coup. Comprenez ça, bien-aimé? Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare donc que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc si un pasteur accomplit le désir de la chair, il marche selon la chair. Parce que le Saint-Esprit doit être poussé vers la conduite, vers l'accomplissement du désir de la chair. Alors c'est donc ça le secret. Voici donc le secret. C'est ça qui a fait que l'Église a perdu de vue l'écart entre la sainteté et, le péché de l'autre côté. L'Église doit marcher dans la sainteté, le monde dans le péché. C'est deux pôles différents, comme le jour et la nuit. C'est comme ça. Le chrétien marche honnêtement comme en plein jour. Le païen et celui qui ne connaît pas Dieu est dans l'ignorance et dans l'obscurité, dans la ténèbre. C'est pour ça que nous, dans l'obscurité, dans le ténèbre, dans les lumières, on doit les éclairer. Vous saisissez, n'est-ce pas? Alors, si un païen accomplit une œuvre des ténèbres, un chrétien, ou bien n'importe qui, pasteur soi-disant, accomplit cette même œuvre-là. Qui doit éclairer qui? Alors vous entendez, donc on se moque des chrétiens dans les télévisions, dans le truc, qu'on a entendu un pasteur accoucher avec les femmes ici. On a entendu un prêtre qui dit qu'il n'est pas des femmes, ont des enfants ici. Et vous savez tout cela. On a entendu les anciens qui ont dragué les filles à la chorale. On a entendu les monétistes qui a sorti avec le mari de tel. Ça ne dit rien à personne. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Oui. N'avançons pas. Même ça, là, même le racontage de ça pullule déjà, même ça pue, pas vrai? C'est terrible. Que dire de celui qu'on a rencontré à Yaoundé, qui était le pasteur adjoint, et que chaque jeune fille qui venait, lui, le pasteur partait dans la chambre de l'hôtel, le pasteur prenait une jeune fille. Que dire de cela, celui qu'on a rencontré? N'est-ce pas, on était ensemble? N'est-ce pas, il a dit que notre évangile est dû ici à Douala, qu'il attend le vrai évangile arrive. Le seul qui va prêcher l'évangile des gifles. On était à Yaoundé ensemble. On a prêché que je comprends pourquoi toi tu vis ça, ne cherches pas de femme. Tu es ta femme à deux. Et pourtant, c'est son beau-frère. C'est-à-dire que celui-ci a épousé sa soeur. Il vient à Yaoundé. C'est celui-là qui va chercher la femme pour donner à son beau-frère. C'est pas terrible ça. Appelé chrétien. C'est-à-dire que ce tien-là, si tien est celui de lui conduire la loi, vous allez comprendre que le Saint-Esprit est venu au Cameroun, il a habité seulement dans lui. Pas vrai, mon cher frère. J'ai pas sur sa direction. Il est si proche, si chante et si frais. Vous les femmes qui aimez être dans l'émotion, le Saint, son Saint-Esprit va vous saisir là. Vous avez comme impression que le Saint-Esprit est venu au Cameroun chercher seulement quelqu'un à habiter, c'est seulement en lui qu'il est habité. Il dit s'il chante. Son propre pasteur avait trois fois, c'est quatre comme ça, l'un en Suisse, l'autre en France, l'autre au Cameroun. Quand celui du Cameroun, le Suisse veut venir, il dit à celui du Cameroun qu'il va accueillir, parce qu'il n'est pas accueilli. Là que l'autre avait vu le pasteur. Ici dans mon pays. Mais ça va changer. Chaque femme qui délivre doit d'abord faire quoi faire? Passer au laboratoire. C'est l'église de mon Seigneur. L'église de mon Seigneur. Et c'est dans cette marche-là que je l'ai trouvé. Il a amené une de ses femmes. Il s'est assis là. Il est venu pour que je prie pour lui, pour elle. On était ensemble à Yaoundé. Je voulais me lever, mais je me dis que stop. Il dit c'est quoi encore? Il dit va amener ta femme. Il m'a regardé comme ça. Il dit vous êtes. Voici ma femme. Il dit va amener ta femme. Je suis venu sur le repos. Tu veux me rencontrer. Si vous voulez me tenter, vous sortez. La femme là a commencé. C'était un mytho. Quand elle a fait les pieds comme ça, elle a senti que l'heure est grave. Elle a dit que amène Evindi ici. Va amener Evindi ici. J'ai senti que c'était grave. Alors. C'était le matin, son midi le matin. Le travail, on est resté là-bas jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h pour résoudre le problème. C'est pas fini. Le lendemain, encore, ça a continué. Il m'a appelé, il a dit que le pasteur vient. Il dit, tu ne connais pas les femmes là. S'il vient ici, on va saccager la maison aussi là. Il dit, c'est pas moi qui l'ai appelé. La personne qui m'a parlé a dit qu'il faut qu'elle vienne. Je ne peux pas dire que je vais m'asseoir. L'autre, par contre, André dit à ma femme en temps que ce problème, s'ils ont rencontré 5 pasteurs. Il passait toujours par derrière, les donnait de l'argent pour qu'il fasse. Il dit que s'il faisait comme ça, on résolvait le problème. La Bible nous dit que n'y a-t-il pas quelqu'un de saint parmi vous qui peut régler un différent parmi les frères? On va régler ça. Donc, il est assis là. Et la maladie pour laquelle il venait pour qu'on prie, pendant qu'on parlait, le Saint-Esprit l'a guéri, tant qu'on ne prie pour elle. Et c'était un policier. Elle devait prendre une lampe pour se tirer. Il dit, madame, c'est un peu de garder, tu le fais, tu veux un temps de tirer, de nous l'amener, oui, c'est vrai. Alors qu'on parlait 2 jours après, Saint-Esprit me dit qu'en fait, vous n'êtes même pas 2, vous êtes 3. L'autre dit que je suis policier, je suis dans ici, je la connais. Il s'est fâché, il dit, connais-la alors. C'est une ancienne, c'est le président des diables. Aussi. Je ne sais pas quel genre de poste, c'est cela encore, d'abord pour commencer. Le péché d'abord sur le poste. Donc le diable a sa présidence. Je ne sais pas s'il y a. Vous avez 3 Timothée dans votre Bible? Parce que ce n'est que dans les Timothée que ça peut se trouver. Mais si vous avez 3 Timothée dans votre Bible, il y aura le président des diacres là-bas. Il y aura le chef des anciens et les anciennes. Conseiller paroissial. Ces genres de titres là, c'est dans 3 Timothée. 3 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 6. Si vous lisez ces 3 Timothée, vous allez voir ces titres là-dedans. Le superintendant, le pasteur adjoint. Vous voyez ces titres là, ça se trouve là-dedans. Moi, le poste, non. Alors, comme étant présent des diables, c'est lui qui nomme les femmes. Et toutes les femmes qui partent là-bas, que ce soit malade, pas comment, ils couchent avec. Qui va travailler? Et ces postes-là, est jeté. Bras de pasteur. Vous voyez comment les gens sont plongés dans l'iniquité et beaucoup sont de l'ignorance. Beaucoup c'est l'ignorance. Et beaucoup se tuent à l'intérieur, comme ça, tu les pâches et refusent. C'est déjà les personnes que le Seigneur va descendre, s'ils refusent, on fait pam, les gens meurent, on dit que dans l'église, on suit seulement les gens. Que le gars-là, il parle seulement, tu tombes, tu meurs. Vous voyez ce qu'on en trouve? Regardez, c'est un cas seulement parmi ceux, c'est même ce que nous connaissons. Peut-être vous connaissez encore davantage. Peut-être vous avez entendu, peut-être des gens qui nous écoutent partout savent encore, c'est ça maman, c'est ça courage. C'est ça, beaucoup de personnes savent encore davantage ce qui arrive et ce qui est dans l'église. Tout ce qu'on peut raconter, ce n'est que la face visible de ce qui se cache dans cet immense, immense iceberg qui se cache dans, sous l'eau. Autrement dit, il y a des œuvres encore plus ténébreuses, plus pénibles, qui se passent au milieu avec le nom du Seigneur. Qu'on n'est même pas au courant. Absolument. Il faut quitter cette voie-là. Il faut que tout chemin qui était tordu soit redressé. Que tout montagne qui s'est élevé, les montagnes, les difficultés, les obstacles à la voie de la prédication qui était élevé. Toute personne qui s'est élevée dans l'église doit se rabaisser. Afin que le Seigneur puisse s'abaisser sur cette voie-là. Est-ce qu'on se comprend, frère? Parce que la seule montagne qui va se jeter devant nous, c'est la montagne de Sion. C'est la montagne dont il a désiré pour demeure. Wow. courage, d'accord. Ce n'est pas facile. Ni de prier. Je vous ai trop toléré. Vous êtes trop. On va prier maintenant. C'est ce que Dieu nous chasse ici. D'accord? On va prier. Ok, donc on va commencer quelque part. Les premières personnes qui sont coupables devant Dieu, ce sont les conducteurs. Les premières personnes qui sont coupables devant Dieu, ce sont les conducteurs. En fait, puisque le peuple de Dieu doit avoir sur elle les conducteurs, bien qu'eux-mêmes soient inclus dans le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il faut que je m'explique vraiment un peu bien. Le peuple de Dieu a un groupe de personnes que Dieu s'est choisi, qui se trouvent dans le peuple. Parce qu'on dit qu'ils sont du milieu du peuple. Les anciens doivent être du milieu du peuple. Ça ne fait pas une classe à part entière par rapport au peuple. C'est tout simplement une fonction du Saint-Esprit dans le corps. De toute façon, les gens que Dieu a choisis ne font pas ces choses-là. Vous voulez dire, comprenez que chaque fois quand l'église, le Saint-Esprit n'est pas là, l'église, il y a deux églises qui vont en parallèle. Il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'église apostate, l'église babylonienne, satanique, diabolique, luciférienne, mais qui copie le nom du Seigneur. Ça, chaque fois dans la Bible, c'est toujours les deux. Chaque fois, c'est les deux qui en a dans les gens. D'accord, bien aimé? Donc, il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le problème, c'est que c'est la partie visible. Ce qui fait que quand on parle, on est mixé là-dedans, on ne sait pas qui est qui. Mais la ligne de conduite, la ligne droite, la ligne de la sainteté séparera les vrais des vrais. Parce que je vais vous dire quelque chose, on ne peut pas imiter la sainteté. Vous devez être soit saint, soit net, soit insaint. Si le mot existe, si ça n'existe pas, créons des déus maintenant. Il dit que si vous ne pouvez pas imiter d'être saint, on ne peut pas imiter, ce n'est pas Romanum Spiritus Sanctus en portant le gant blanc. Non, ça, ce n'est pas de ça dont c'est une question. Ce n'est pas l'apparence de la piété. C'est la sainteté. La Bible déclare de Jésus-Christ dans Ésaïe chapitre 11 là, qui respirera la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous entendez? La Bible déclare de lui qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Quand il passe à côté de toi, tu sais qu'ici, là, on tremble à la parole du Seigneur. Quand il parle, sa parole fait autorité. La Bible déclare que même les sacrificateurs étaient frappés de sa doctrine. Parce qu'il commande même avec autorité aux démons, les démons lui obéissent. Il est entré dans leur synagogue, il a trouvé une femme qui était là comme ça. Là. Il a fini de faire la prédication, Il a dit, maintenant, on passe à la phase pratique. Femme, tiens-toi ici. Il a mis la main que tu es délivré de tes infirmités. La jalousie a commencé. Pourquoi la jalousie a commencé? Les gens pensaient que sa prédication devait être liée à l'offrande. Parce que je vous le dis, si je prenais l'offrande, c'est que même les sacrificateurs n'avaient même plus 5 francs. Parce qu'au moins, on voit les preuves dans son ministère. Absolument. C'est pour cela que vous allez entendre quelqu'un dire que, vous voyez, on peut parler de peuple. Tous vont seulement à lui. Imaginez seulement, parce qu'on va toucher ces cas-là, que si Jésus-Christ exploitait le peuple, c'est un signe, parce qu'on va prier contre ça pour demander pardon par rapport à cela. Imaginez combien de personnes étaient assises dans ces herbes-là, plusieurs fois qu'elle a nourri les gens. Quand Jésus-Christ a vu dans son église, permettez-moi également l'expression, d'accord? Pour qu'on puisse comprendre. Dans l'église de Jésus-Christ sur les montagnes, il a fait asseoir les gens comme ça. On dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, dans son église, pendant qu'il avait prêché. Quand il regarde l'église, s'il multiplie 5000, souvenez-vous, chaque fois s'il y a 5000 hommes, alors il y a deux fois pour moi c'est les femmes. Parce que les femmes sont toujours nombreuses partout dans chaque ministère, même chez le ministère de Satan, elles sont toujours nombreuses. Alors, c'est vrai que si on laisse les femmes, les enfants, il va y avoir 15000 personnes là-bas. On est d'accord? Frère, supposez, un denier, c'est un journée de salaire. Un denier, c'est le journée de salaire. Parce que dans ces Matthieu, là, il a une parabole, il dit que la journée de salaire, il a fixé un denier. Si une personne donnait une journée de salaire, un denier, c'est 15 000, ça devait faire combien? 15 000 deniers. N'est-ce pas frère? Alors 15 000, ça fait 15 000 jours. On est d'accord? Un an, c'est 365 jours. Vous voyez? Vous prenez 15 000 divisé par 365, ça vous donne le nombre d'années que je dois manger tranquillement. Par jour, sans se salir. Mais frère, mon Seigneur et mon Sauveur a plutôt eu de la compassion pour cette peau qui était languissante. Elle a dit, donnez-vous les roues à manger. L'autre a senti que c'est grave. Il dit que dans notre poche, l'argent qu'on m'a appelé pour 800 000, ça ne suffirait pas pour eux. Regardez ça, frère. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Lorsqu'il y a une petite attraction par rapport à la parole, les gens viennent, c'est l'occasion pour que nous estopons, nous soutirons, nous dépouillons le peuple. Sous prétexte que si on donne, on sera plus riche. Vous entendez la gravité, frère? Ça veut dire qu'on utilise la parole de Dieu, on utilise le nom du Seigneur Jésus-Christ pour escroquer les gens. Allez, voyez dans le stade, les gens font les salles, après les gens vont passer les roches, vont passer vers les salles et autres. On est là-bas, c'est mon nom, les roches. Si vous voulez l'argent quelque part là-bas, c'est l'argent de Dieu. Donc, on est sûr que, comme on a dit comme ça, il sera effrayé, il va prendre la venue vraiment donner. En fait, et s'il vole là-bas, il a aussi couvert avec Dieu, parce que lui, c'est un voleur. Alléluia. Dieu ne le prépare pas parce qu'il a volé son argent, c'est justement parce qu'il a pris l'argent qui ne lui appartient pas. Donc, si c'est vol là-bas, c'est le pasteur là qui va avoir le problème, mais il va avoir Dieu avec parce qu'il a volé. Qu'est-ce que vous saisissez? Donc, si notre Seigneur prenait cette foule-là comme un sujet pour avoir de l'argent, il aurait tellement de l'argent. Mais il n'en a jamais fait cela. La question, c'est ceci. Pourquoi nous faisons ça aujourd'hui? Pourtant, nous, prédicateurs, nous disons que nous suivons le modèle exemplaire de Jésus. Pourquoi? Pourtant, c'est Jésus l'a dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Il dit, si Dieu nourrit aujourd'hui le corbeau, hein, maman, c'est pas ça, il nourrit quoi? Dieu nourrit le corbeau. Dieu revient ainsi l'aide des champs qui seront détruits. Il dit, mais vous revêtirez du parti, j'en de plus de fois. N'est-ce pas, le Seigneur a promis de nous nourrir? La seule chose qu'il demande, c'est que nous serons patients, persévérants et fidèles. Alors, on s'est fait des façons pour avoir de l'argent. Alors vous allez voir dans les ministères, les gens vont organiser séminaire après séminaire sur le célibat. Entre 2100, enregistrez-vous parce que la place est limitée. 2500 francs. Il y a avec cocktail. Vous appelez comment vous appelez cela? Avec collation. 2500 francs. Venez vous montrer comment vous montrer les techniques. Chez les chrétiens, je parle de chez les chrétiens, laissez les mondains tranquilles. Je parle, je suis en train de les dénoncer. Vous pouvez en dire plus que moi peut-être. Je dis seulement comment je suis guidé. Pour le dire, pour qu'on puisse connaître, voir le mal qu'il y a là-bas. On a le séminaire sur le mariage, séminaire sur le célibat, séminaire sur comment vivre son couple pour ne pas subir les divorces. Les gens qui conduisent ça ont divorcé 3 fois. Alors, on paye 5000 francs. Au-delà de cela, il y a un voyage spécial à crédit où les sœurs vont exhiber leur démarche dans l'eau pour que les frères, les voisins voient les femmes des frères. Et que les jeunes frères qui sont mariés voient les jeunes sœurs qui sont mariés pour que chacun voit la forme qui l'intéresse. Après, il va faire son demande maintenant que le Saint-Esprit m'a révélé. Le Saint-Esprit de la pensée, le Saint-Esprit de la convoitise, va lui révéler maintenant que cette sœur-là, c'est celle qui est préparée pour toi. Voilà où l'église en est. Alors, on a préparé ce qu'on appelle la saga chrétienne, le hip-hop chrétien, le rock chrétien, le R&B chrétien. On dit que yo, yo, yo, Jésus, avec le père, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Jésus. Les sagas chrétiennes, les défilés de mots encore graves, chrétiens, où les frères passent, les sœurs passent, montrent leur bout de sein avec les fesses qu'est dandy. Les pasteurs se rincent les yeux, les pasteurs vont mettre même le pied dans leur sein, pour féliciter cela. Honte à notre église de cette époque-ci. Honte à nous. Honte à nous. S'il y a un trophée qu'on devait nous donner, c'est le trophée du rejet. S'il y a un trophée qu'on doit nous donner, c'est un trophée de rejet. Donc, il n'y a qu'une seule chose que Dieu doit faire pour notre époque, c'est de nous rejeter. Et s'il nous rejette, il est en plein dans ses droits, dans sa justice. Mais on peut lui dire la miséricorde. Qu'il ait pitié du faible reste. Qu'il ait pitié de ceux qui soupirent après lui et qui désirent participer à sa sainteté. Qu'il ait pitié de tous ceux-là qui languissent auprès de lui pour voir des jours, encore comme Gédéon a dit, s'il était né avec nous, pourquoi le peuple, ton peuple est réduit comme ça à néant? Où sont donc ces jours-là? On nous racontait. On nous disait qu'il y avait le prodige. On dit que Jésus accomplit les miracles. Où est-ce qu'on s'en sort? Beaucoup de marabouts désignent les pasteurs à qui ils ont donné de puissance. Beaucoup sont allés au Bénin prendre la magie blanche pour entrer dans l'église. Beaucoup de marabouts eux-mêmes sont allés dans la formation mystique, venir ouvrir les églises, mettre le nom de Jésus-Christ avec la puissance satanique. Ça se trouve là au milieu de nous. Jésus-Christ guérit, le sang de Jésus-Christ sauve, ça nettoie. Parce que les gens aiment ça. Parce que le peuple a quitté, comme on va voir dans le deuxième volet, le peuple a quitté le sentier que Dieu a tracé pour se liguer sur une autre voie. Amen. On ne peut pas prier sans qu'on ait placé bien les jalons. C'est encore pour placer les jalons, on ne peut pas prier. Il faut qu'on montre tout et puis qu'on voit comment, pour que le Saint-Esprit puisse nous montrer les voies qu'on va prier. Je vais encore avertir les pasteurs et tous ceux qui vont m'écouter. La repentance dont on parle et que dont nous prêchons dans nos sermons chaque fois à la manière livresse et théologique, cette repentance-là, ce n'est pas tout juste une façon de dire « Seigneur, pardonne-nous ». C'est pour cela que je vais insister d'abord sur le fait que les pasteurs doivent se repentir. Et je vais insister là-dessus parce que c'est le point fondamental là-bas. Les pasteurs sont pas pour dire aux chrétiens que « Repends-toi ». Mais eux, il faut qu'on les prêche ce soir. C'est C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur dise ce que le pasteur doit faire. Et ce que nous savons de la repentance, on ne peut pas fuir ça. C'est que si un pasteur dit à un chrétien que la repentance, c'est que si tu vivais avec un petit ami, il faut quitter ce petit ami. Alors si on regarde dans la parole de Dieu, là où le pasteur a fauté, je vais prendre un exemple simple qu'on pourra développer plus tard. D'accord? Voici dans ma Bible 1 Timothée et 2 Timothée et tout autre épître dite pastorale qui établit clairement qu'il n'y a pas de ministère d'ancienne, une femme ancienne, une femme pasteur, évêque ou prophétesse ou quoi que ce soit dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Un pasteur de notre heure et de notre jour a sa femme qui est prophétesse, a sa femme qui est pasteuse, quand il n'est pas là, c'est elle qui prêche. Sur quoi elle prêche avec le chinois, avec les talons, avec les fesses bien bombées, pour d'autres, avec les cuisses bien hauts, pour prier les frères. Elle met les bleus sur ses faces, juste parce que quand elle te regarde comme ça là, tu peux accepter juste rapidement de traiter de peur qu'elle était fraîche, qu'elle était séduite. C'est pas vrai? D'autres maintenant, graves maintenant, regardez seulement les soeurs chrétiennes dimanche, observez. Elles ont coupé, vous appelez ceci quoi? Le quoi? Comment? Les cils. Elles ont même maintenant ce qu'on appelle, le nom c'est ça c'est quoi? À haute voix. Fossile. Les faux cils. Autrement dit, le regard là, c'est un faux regard. C'est un faux regard. Elles ont mis maintenant ça là. Quand la femme du pasteur te regarde comme ça là, tu baisses la tête pour prier rapidement pour que. Parce qu'elle est fraîche. Au-delà des cils, maintenant, ils ont mis les cheveux verts. Quand tu regardes comme ça, tu crois que c'est. Vous comprenez ce que ça me dit, n'est-ce pas, frère? Alors donc, quand on a quitté le point de départ de Dieu, c'est notoire qu'on ne voit pas le péché partout. Parce que dès le départ, on est dans l'iniquité. Je ne veux pas parler de la vie privée des pasteurs d'abord. Il parle sur le plan de la Bible d'abord. Non, on parle du fait que ceux qui vivent à l'aide de l'iniquité. Parce que plusieurs vivent l'enfer chez eux. Mais porte la veste et la soutane pour foirer ça à l'église. Il y a un pasteur qui a été même sa femme. Sa femme a dit qu'au milieu de l'église, que c'est même elle qui a d'abord eu la vision. Ce n'est pas lui qui est pasteur, c'est même elle. Avec sa femme. Il était comme ça sur les offrandes. Ok. Donc, alors, regardons dans cette direction. Je suis allé lui dire que prenons un seul cas. Le ministère de la Bible. Je n'ai parlé des pasteurs parce qu'on va toucher leur cas là maintenant. D'accord? Le ministère pastoral, le ministère des conducteurs dans la Bible ne donne pas la place, la prééminence à la femme, nulle part. Autrement dit, il n'y a pas de femme pasteur. Je vais dire ceci. Si un pasteur écoute ce message en disant qu'il faut qu'on retourne à la Bible, on retourne à la Bible totalement, on doit retourner à la Bible totalement. Ça suppose que ce que nous n'avons pas vu dans la Bible, il faut qu'on mette ça de côté. Alors le pasteur doit avoir l'humilité de dire à sa femme maintenant. Et il va subir l'esprit de Jézabel. C'est là où l'esprit de Jézabel, c'est là, frère, où l'esprit de Jézabel qui prêchait dans l'église va se relever. Tu veux que ma gloire, quand les gens me voient maintenant, que je reste dans le silence. Vous allez comprendre la difficulté qu'il y a à une femme de rester dans le silence. Alors, ce pasteur, s'il écoute ceci, première chose, si on prend sur cet aspect, ce point-ci, le pasteur doit se repentir du fait qu'il a laissé sa femme prêcher, enseigner. Vous voyez cela? Quand on dit se repentir dans ce cas, ça veut dire qu'il faut qu'il confesse publiquement devant les frères que frère, je vous demande pardon parce que je vous ai amené dans la séduction. Ma Bible avait dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. J'avais philosophé en disant que c'était pour les Éphésiens. Pourtant, tout le monde me cite la parole de Dieu, que la parole est totalement la parole de Dieu, et c'est pour toutes les époques. Mais quand ça arrive sur une autre là, pour ne pas déranger ma femme, et pour que quand je voyage, que la dîme et les offrandes ne fuient pas la maison, c'est pour ça qu'elle la laisse prêcher. Donc, au final, il y avait les mauvaises intentions derrière. En fait, je ne vous aimais pas, donc je n'aimais pas le Seigneur. Parce que si quelqu'un aime le Seigneur, il va garder ses commandements. Et l'apôtre Paul, en écrivant cela, a dit que si quelqu'un s'est plaît à contester, ça c'est la révélation que j'ai reçue du Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc, ce pasteur va dire devant les fidèles que, frère, soeur, pardonnez-moi. Et dire à sa femme que, maintenant, à genoux, demandons pardon à Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, tu laisses dans ton poste le ministère des silences. Quelqu'un dit ministère des silences. Ministère des silences. C'est là, alors, les bagarres vont commencer dans la maison. Il va voir maintenant si le frère, c'est Dieu qui lui avait dit la femme là. Absolument. Je vous dis, ça va secouer chez les pasteurs. Chez les pasteurs. Je ne dis pas dans le ministère, chez eux. Ça va secouer. Parce que toutes les couches dans l'église doivent être réveillées. Dans cet écrit-là, j'ai dit que quand quelqu'un est réveillé, il est réveillé, tous les membres de son corps est conscient de la présence du réveil. Tu ne peux pas être réveillé, tu marches ton pied encore endormi. Non, ça marche parce que c'est les crampes qui l'ont arrêté. Quand tu es réveillé, tous les membres commencent à fonctionner parce que tous doivent être debout, prêts à ordonner, prêts à subir les ordres dont la tête communique. Quand la tête coordonne, quand quelque chose pique un peu tes pieds, tu fais comme ça là. C'est la tête qui a ordonné que va là-bas, il y a un danger là-bas. Si la main dort, elle va dire que viens, lève-toi. Non. Quand on se réveille tous, la tête qui est le Seigneur Jésus-Christ communique à chaque membre ce qu'on a à faire. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc tous les secteurs du corps vont être touchés. Dieu Comme vous avez vu dans votre Bible, dans 1 Timothée chapitre 3, les caractéristiques des vrais serviteurs, Dieu va les présenter. Parce que Dieu veut que quelqu'un serviteur prêche pour le mariage, qu'il soit un témoignage digne. Dieu veut que quelqu'un pour qu'il prêche sur l'honnêteté, sur la sainteté, qu'il soit digne. Voilà pourquoi il a dit à Timothée que, il a dit que conserve-toi-même pur, garde-toi-même toi-même pur. En faisant comme ça pour que ton progrès soit vu et évident devant tous. Il dit qu'en faisant cela, tu ne broncheras jamais. La Bible est claire, jamais. Tu ne broncheras jamais. Voici ce qu'il faut faire pour prédicateur pour ne pas broncher. Si tu rates ça, tu vas broncher. Amen. Donc voilà, par exemple, il parle par rapport au prédicateur. Donc ça dit que ces prédicateurs qui ne voulaient pas prêcher, il ne prêchera jamais la repentance tant qu'il ne touche pas ce point-ci. Parce que la repentance touche tous les points. Parce que le péché, c'est l'absence du commandement de Dieu. C'est la désobéissance à ce commandement. Quand il dit par exemple que je ne permets pas à la femme d'enseigner, tu permets à la femme d'enseigner, tu fais des péchés. Parce qu'on va pécher comme seulement le péché sexuel. Non. Ou bien le péché de l'iniquité dehors. Où est-ce non? Lorsque Dieu a donné un ordre clair et tu désobéis à cet ordre-là, tu es dans le péché. Vous comprenez la gravité, frère? C'est ici que la pièce d'achèvement de tous ces gens que vous voyez les affiches devant Madame and Mrs. Archbishop, ceci, Révérend Docteur and Doctrice, Révérend Prophétesse and Prophétos, Révérend Apôtre and Révérendestis. Vous allez voir tout cela. Il va falloir déchirer les affiches. Là, le bas va baisser. Parce que le ministère va changer. Beaucoup qui vont se rebeller, vont dire, mais finalement, vous nous conduisez au depuis, ils vont se fâcher partir, le nombre va diminuer, ils vont continuer. Il y a un pasteur qui venait me voir l'autre jour, il a dit que frère, j'avais un grand ministère où j'ai prié, les gens glissaient, avec les professeurs, les gens venaient. Juste parce que j'ai remarqué que le jour où j'ai programmé l'enseignement, personne ne venait. Mais quand c'était le vendredi, nuit de miracle, tout le monde venait. Dieu lui a dit que arrête, il a arrêté, il est resté à la maison comme ça. Il a dit, pasteur, tu sais comment passer, il lui fait tout. Il a dit que ce n'est que le début. Il a dit, va à la maison, il a dit oui. Il pense que c'est bien, après moi. Il dit, mais fais attention. Il est venu vers moi, il a dit que, attends, quand j'arrive. Il est venu vers moi, il a dit, j'ai vu sa femme s'était voilée, mais la partie, elle avait refusé cette partie, elle a mis le rouge et le bleu ici, là. Je lui ai regardé. Le pasteur pour me dire, elle a dit que, tu vois, même ma femme, je suis ici, bah, pourquoi ma femme s'est voilée comme ça, là, parce qu'on ne se voilait pas. Donc il savait que depuis ce temps-là, en train de se dire, il ne savait pas que la femme devait se voiler. Pendant qu'il pleurait, elle prophétise. Vous voyez la Bible. Quand j'ai regardé, il s'est dit à mon cœur qu'en fait, elle a commencé en base, elle va descendre doucement, doucement. Je lui ai dit que c'est depuis son idée de là. Il y a la suite dedans que maman, si tu suis encore, ne te fâche pas. Depuis, il m'a plus appelé. Laissez les deux croître jusqu'à la moisson. À la moisson, il va séparer le vrai et le vrai. Quel qu'en soit le cas, on a parlé ici à l'entrée qu'il devait plus voir. Et c'est pour cela que c'était là. Donc, frère, donc je vais voir qu'on met dans cette direction. En premier lieu, on va voir que pour qui est réveillé. En fait, le péché d'abord impliqué, c'est depuis le haut chaque fois. Le péché ne vient jamais depuis le bas. Regardez très bien ceci. Il redit ça doucement. D'accord, frère Tangana? Qu'est-ce que j'ai dit déjà? J'ai dit que frère Tangana, c'est ça. Le péché ne vient jamais depuis le bas. Le péché vient toujours vers le haut, depuis le haut. Quand je parle de haut, ça veut dire que c'est dans le corps des gens qui dirigent quand le péché entre, ça circule en bas. Si le péché entre comme ça, depuis le haut, vers les simples fidèles, selon notre terminologie, quand il parle, vous comprenez, parce que normalement, les têches ne devaient pas être là. C'est un peuple saint. Et le fait qu'on ait divisé même en cléricalisme, en très groupe là, c'est un truc qu'il faut faire la repentance et fondre cela. On va faire les prières là-dessus. D'accord, bien-aimé. Donc c'est pour ça que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent ces messages. De telle façon qu'on puisse regarder le mal à cela et revenir au modèle. Alors, il dit donc qu'il y a deux groupes. Voici dans le corps ce qu'on appelle le cléricalisme et le laïc. Donc le bras peuple, le peuple qui est le simple chrétien, que je vais à l'église, il m'a dit ce que le pasteur dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors si c'est pasteur, si Satan vient prendre en otage sa femme, que si je ne fais pas ce qu'il veut faire, il va tuer tes enfants, il va tuer ta femme. Tu es obligé de me livrer membre de ta famille. Mais dans ce que tu dois, je te donne une barbe, tu vas prêcher des miracles, ça va arriver. Voici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a donné à l'Église un groupe d'anciens pour que les uns et les autres puissent veiller. Ce sont les surveillants, pas un surveillant. Voilà pourquoi il y a un danger quand un seul homme dirige une assemblée. Parce que si Satan l'attrape, c'est fini. Et toutes les gens qui vont être sur la forme pyramidale sont sous le contrôle de Satan. Parce que Satan peut le attraper facilement. S'il n'est pas marié, Satan passe, prépare une femme pour lui. Elle vient comme ça, lui donne de l'argent, femme, quand elle le prend, pas, c'est terminé. C'est le commandement. Regardez Jézabel et Akab. Le commandement, le pays est tout ruiné à cause d'elle. Voici pourquoi Dieu a fait que ce soit un collège d'anciens qui dirige l'assemblée. Pour que si quelqu'un pêche, on le reprend les autres devant tous, on le met de côté. Est-ce que c'est ici? Ok, c'est pour ça qu'ils disent que ces deux groupes, les laïcs et les clergés dont on a mis là, si le péché entre par ici en bas, ceux qui vivent dans la sainteté vont détecter rapidement parce que ce sont des surveillants. Ce sont des surveillants. Alors quand vous remarquez maintenant dans l'assemblée, une femme entre avec le caleçon dehors, le collant, ainsi de suite, et autres, on fait avec le ventre dehors, décédé, en marchant le chignon, en croyant les pieds pour qu'on voit le cuisse bien devant le pasteur sort le monsieur chaque fois pour taper comme ça là. Il est dit, mais c'est parce qu'il est dans l'iniquité. C'est parce qu'il est dans l'iniquité déjà. Il est séduit, il est déjà fini. Le pasteur a vécu dans le péché. S'il ne vivait pas dans le péché, il n'admettrait point de telles choses. Parce que la Bible est claire, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Est-ce que vous saisissez? C'est parce qu'il est indigne de le faire, de mettre un frein à cela, parce qu'il est dans l'iniquité. Parce que pourquoi il faut qu'on regarde ces choses dans la profondeur? Donc le simple fait qu'une seule personne dirige l'assemblée, c'est un problème déjà, frère. Parce qu'on doit être les surveillants les uns les autres. Mais n'as-tu pas dit à un pasteur que Dieu a monté quelque chose, que Dieu est passé par où pour te dire? Dans cette assemblée-ci, Dieu m'a donné la vision pour l'assemblée-ci. Si Dieu veut me parler, c'est Dieu veut parler n'importe quoi ici. Il passe d'abord par moi. Mais viens lui dire que Dieu m'a montré comment tu pries pour les malades, malades tomber par toi. Il dit que voilà, c'est bien ça, m'a pris toujours pour moi. Le genre de révélation, cela. On pense à ça. Mais tant qu'il dit que le Seigneur m'a montré que tu vis dans l'iniquité, il faut que tu te répandes. Tu passes par toi pour me parler. C'est pas moi qui t'amène en Christ de toujours. Par là-bas. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu bafoue son autorité, il passe par toi, il passe par toi, en bas pour venir me dire à moi, tu es en haut. Vous voyez ce qu'il parle à l'église, n'est-ce pas? Il faut qu'on se répande, frère. Il y a un mal dans le corps. Donc, tant qu'on ne regarde pas là où on est tombé, on prie que Seigneur repente. On se repent de quoi? Parce qu'il faut se repentir de quelque chose. Et cette chose, quand on se repent, on change la position vis-à-vis de ces choses par rapport à cette chose-là.